السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نزلنا مع كتاب صحيح الجامع الصغير للشيخ الألباني حفظه الله ورحمه الله الذي كنتم تستمعون إليه، وكان الشيخ ربيع المدخلي سأله سؤالا توقفنا عنده. donc nous sommes toujours avec le livre de الشيخ الألباني عليه رحمة الله صحيح الجامع. On était en train d'écouter à sa cassette et le Cheikh Rabi Ahmed Khali venait juste de lui poser une question. On s'était arrêté juste là. Le dernier hadith où on s'est arrêté la fois passée, on avait parlé du hadith où le prophète alayhi salam avait dit asriqu afwan nan lahza. Donc je crois que c'est le hadith qui a avant lui. قال أسرع كنا لحاقا بي أطول كنا يدا أسرع كنا لحاقا بي أطول كنا يدا. Le prophète عليه الصلاة والسلام avait dit que il parlait à ses épouses. Il avait dit la première de vous qui me joindra, qui viendra après moi, ou يعني qui mourra après moi, sera celle qui a d'entre vous les mains les plus, ou bien les bras les plus longs, les bras les plus longs. Ensuite j'ai dit que toutes les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam voulaient savoir cela, c'est pour ça qu'elles se mettaient contre le mur et levaient toujours les bras pour essayer de savoir qui allait mourir la première, qui avait les bras les plus longs pour qu'elle sache qui allait mourir la première. Ensuite quand c'est Zainab bint Jahsh radiallahu ta'ala anha qui est morte la première, ils se sont étonnés car c'était la plus petite de taille. Ensuite ils ont compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire dans ce hadith, il a voulu dire atwalukuna yada, c'est pas les bras mais c'est celle qui faisait beaucoup l'aumône. Quand on dit en arabe fulan tawilul yad, il a le bras long, ça veut dire que il fait beaucoup l'aumône. Et alhamdoulillah c'était elle, comme vous devez savoir, qui faisait beaucoup l'aumône. ثم يجي حديث نعم جيوبلي avant cela de d'enlever quelques points rouges pour ceux qui veulent m'aider dans la traduction. Il lève la main, je leur enlève le point rouge. Il lève leur main. Il dit استفضل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. C'est tout, Elias. Les traductrices ne sont pas là. Ah, Zanjabila. Allez, tchouf. Qu'est-ce que je voulais dire? نعم فيه ايضا دوتر بتاتر. حكيم صالحة، حكيم ابو عبد الرحمن صالحة. طيب je vous demande seulement بارك الله فيكم، j'ai enlevé à 5 je vous demande seulement بارك الله فيكم de ne pas faire de تعليق ولا يعني la traduction seulement, la traduction ou la tenbeh. Tenbeh, par exemple, il dit quelque chose de faux, la tenbeh, barakallahu fikum. Hatta, afin qu'il n'y ait pas beaucoup de. Sur l'affiche, afin que l'affiche reste avec afin que je sois concentré. Hadith al-yum, قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, أسرق الناس الذي يسرق صلاته. أسرق الناس الذي يسرق صلاته. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, il n'y a pas quelqu'un de plus voleur que celui qui vole sa salat, celui qui vole sa prière. Comment qu'il fait? Comment qu'il vole? Il a dit, la yutimmu ruku'aha. وَلَا سُجُودَهَا. Il ne termine pas son inclinaison et il ne termine pas sa prosternation. وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ دَخِلَ بِالسَّلَامِ. Et le plus avare des gens, c'est celui qui ne dit même pas salam alaikum. C'est un grand avare. Pourquoi? Parce que quand il dit salam alaikum, il prend 10 hasanat, 10 ajr. S'il dit salam wa rahmatullah, il en a 20. Alaykum wa barakatuh, il en a 30. Celui-là, il ne dit pas salam alaikum. Donc celui-là, il n'y a pas plus dakhil, plus avare que lui. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de plus voleur que celui qui vole sa prière ou la donne sa prière. Il faut que vous sachiez qu'il y a un autre hadith où le prophète a dit, laysa laka min salatika illa ma aqilt. Tu n'as de ta salat que ce que tu as, yani, tu étais présent avec yani, ton esprit. Quand ton esprit est présent dans la salat, ça s'écrit. Quand ton esprit est avec, par exemple, la coupe du monde, et avec la coupe du monde, et toi tu es en plein salat, ça, l'écriture s'arrête. Car le prophète a dit, laysa laka min salat, et que tu n'as de ta salat que lorsque tu es concentré, ton esprit est présent avec toi. Si ton esprit n'est pas avec toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire ton corps est là. Ton corps, et ton esprit n'est pas là. Allah Azza wa Jalla n'a pas besoin de ton corps. Ton corps qui est en train de se prosterner, et ton esprit se prosterne dans un autre côté, dans un autre monde. Allah Azza wa Jalla n'a pas besoin de cela. Il veut les deux. Le corps et le cœur. Le corps et le cœur. Il faut que les deux soient. C'est pour ça que dans un autre hadith aussi qui va venir, le prophète alayhi sallam a dit, en terminant ce hadith, il a dit, il y a certains qui n'ont de la salat qu'un dixième, un neuvième, un huitième, un septième, un sixième, jusqu'à ce qu'il a dit un demi. Des fois, quelqu'un n'a de la salat qu'un demi. Il faut là un dixième, un neuvième. C'est d'après quoi? D'après l'esprit, yani son esprit était avec lui, la concentration, où là, il y avait seulement le corps et le cœur était ailleurs. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith, il a dit, Ismullah al-A'zam, alladhi ida du'ya bihi ajab, Allah Azza wa Jalla a le plus bon nom, bien sûr, l'un des plus bons noms, ou bien le plus bon nom, le plus beau des plus beaux, celui qui, si tu fais un dua, Allah Azza wa Jalla t'exauce. Il a dit, il se trouve dans trois sourates. Trois sourates, fil Baqara wa Ali Imran wa Taha. Fil Baqara wa Ali Imran wa Taha. Et toi, si tu reviens à Baqara wa Ali Imran wa Taha, tu trouves que c'est Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum. Parce qu'en effet, Al-Hayat. Al-Hayat, on a Al-Qayyum. Tous les attributs de l'essence reviennent à Al-Hayat. Et tous les attributs de l'acte deviennent à Al-Qayyum. C'est pour ça que Al-Hayy Al-Qayyum, c'est le plus beau nom. C'est le plus beau nom. Donc, c'est le Baqara, Allah Azza wa Jalla, il a dit, attendez que je me souvienne, sur le Baqara, Al-Hayy Al-Qayyum. Naam, Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayy Al-Qayyum. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Et quoi, c'est ma'rufa. Fi Ali Imran, c'est le début. Alif la mim, Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayy Al-Qayyum. Ensuite, si Taha, il a dit, « وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا. » Donc, « حَيِّ الْقَيُّومِ » N'oubliez pas, si vous faites un dua, de dire, « أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ بِأَنَّكَ أَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومِ أَنْ تُعْطِيَنِي كَذَا أَوْ أَنْ تَقِيَنِي شَرَّ كَذَا. » Ensuite, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, « اسمع وأطع ولو لعبد حبشي مجدع الأطراف. » اسمع واطع ولو لعبد حبشي مجدع الاطراف. هذا الحديث يقسم ظهر من دار التكفيريين والخوارج. هذا الحديث يقسم ظهر التكفيريين ومن والخوارج. دونك سو حديث سي كاس و يبريز لو دو دي التكفيريين اي من اي دي خوارج. بس سو حديث الى دي اسمع واطع. ايكوت اي اوبيي. Et obéit à qui? Au gouvernant. Au gouvernant. Walou li abd, même si c'est un esclave, Habashi, éthiopien, qui est venu d'Éthiopie, Moujid al-Atraf, il a les membres amputés. Il a les membres amputés. Tu dois dire, Sami'na wa Atana. Je t'obéis. sauf si tu me dis de faire quelque chose qu'Allah Azza wa Jal a interdite, ou bien tu veux m'interdire quelque chose qu'Allah Azza wa Jal a, yani halal, a fait halal. Sinon, le gouverneur Hada, on doit lui obéir. On doit lui obéir. Et comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque meurt et il n'a pas fait le pacte Hada, il n'a pas fait le bay'a, il est mort une mort de jahiliya, comme les kuffars. Qu'est-ce que ça veut dire jahiliya? C'est pas un kafir, mais il est mort comme les kuffars, Abu Jahl et les autres. Ils n'avaient pas de hakim, ils n'avaient pas de gouverneur et le allégeance, A-O-U. Et non, dans la période anti-islamique, il n'y avait pas quoi? Il n'y avait pas le yani un gouverneur, on le suivait, etc. C'est pour ça que yani, il a fait un péché, bien sûr. Quiconque meurt sans avoir fait yani, béa, l'allégeance, afouane, à qui? Au gouverneur. Le béa a dit, elle peut, le pacte, elle, tu peux le faire, le pacte d'aller, donc si ça s'écrit avec E, on prononce Jans, si c'est avec A, comme a écrit le premier, on prononce Gans. Mais A-O-U, je prononce Go devant A-O-U, comme ça je l'ai appris quand j'étais en cours élémentaire. Hakim, ma'alish, Hakim, c'est pour ça que, jazakum Allah khairan, soyez, yani, kun razinan, avant d'écrire quelque chose, sois sûr avant d'écrire, je parle en général, pas seulement de toi. Quelqu'un, parce que il y a quelqu'un peut-être qui va lire une chose ou là, il va la prendre fausse, ensuite il va déconnecter, il va pas rentrer, il va la prendre fausse. Avant d'écrire quelque chose, soyez sûr, barakallahu fikum, wa tathabbatu. On peut faire la bi'ari, comment qu'on l'a fait? Au moins on l'a fait, tu l'as fait au moins dans ton cœur. Tu reconnais dans ton cœur que ce président de la République qu'on appelle aujourd'hui maintenant, ou là ce roi, ou là si tu vis dans un pays musulman, tu reconnais que c'est lui ton gouverneur. Comme ça, tu as fait au moins la BA avec ton cœur. Et l'autre BA qui est avec les djawarih, le corps, c'est de ne pas lui faire la guerre. C'est de ne pas lui faire la guerre, mais d'être avec lui, mais d'être allié à lui tant qu'il te demande pas de faire quelque chose qu'Allah Azza wa Jal a fait haram. Donc c'est quelque chose de mubah, de halal, tu es obligé de le suivre. Bien sûr, on va arriver à ça, il y a beaucoup de hadiths quand on commencera les doros du minhaj, inshallah ta'ala. Très prochainement, on va commencer le minhaj pour que nos frères et nos sœurs soient des vrais salafiens, parce que des fois tu trouves quelqu'un qui a une aqidah, masha'Allah, de salaf salah, mais le minhaj, il a des takfirs, yani, s'il n'est pas takfiri, il a des takfiriyats dans son cœur. S'il n'est pas khariji, andu naza'at kharijiya. Donc, avec le minhaj, quand tu apprends bien le minhaj, plus la aqida, yani, qui peut être mieux que toi? Et tu ajoutes à cela un peu de fiqh, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man yurid bihi allahu khayran yufaqihu fi din. Lorsque Allah azza wa jal veut de quelqu'un du bien, il le rend quelqu'un de, yani, il lui donne la science, sa science, c'est-à-dire le ilm. C'est pour ça que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah a dit, wa bi qiyas aks, ou mufum mukhalafa, il a dit, et quiconque, yani, voit que, yani, connaît rien en din ou là, ça veut dire que Allah Azza wa Jal n'a pas voulu de lui du bien. Naam. Si tu trouves que tu n'apprends rien, il y a des jours et des mois qui passent, tu n'apprends rien, ni un hadith, ni quelque chose que c'est halal, ni quelque chose que c'est haram, tu n'apprends rien de nouveau dans le din. Ça veut dire que Allah Azza wa Jal n'a pas voulu de toi du bien. S'il avait voulu de toi du bien, il t'aurait rapproché, il t'aurait guidé afin que tu apprennes le din, afin que tu sois par exemple dans des salles où on apprend, afin que yani, tu ouvres comme ça des livres et tu lises, afin que tu écrives des choses, etc. C'est ça le signe que Allah Azza wa Jal nous aime, nous veut du bien. C'est pas lorsqu'il nous donne de l'argent, c'est pas lorsqu'il nous donne beaucoup de l'argent, ça veut dire que Allah Azza wa Jal nous veut du bien. Ensuite, il y a le même hadith qui revient encore une fois. Il a dit, aswa'un nasi sariqa alladhi yasriqu fi salatihi, n'y a pas de plus, cette fois il n'a pas dit Aswa al-Nasair, il a dit le plus mauvais des voleurs. Le plus mauvais des voleurs, c'est celui qui vole dans sa salat. Il vole de sa salat. Comment qu'il vole, cette fois il a montré. La yutimmu ruku'aha. Il ne termine pas sa, son inclinaison. Wa la sujoudaha, ni sa prosternation. Wa la khushu'aha, ni sa, ni le pire des voleurs, naam, ni sa concentration, ni sa concentration. C'est pour ça qu'il y a un autre hadith, qui est un hadith bon. Cheikh Al-Albani a dit hadith hasan. C'est un bon hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ra'a rajulan la yutimmu ruku'ahu. Il a vu quelqu'un, un homme, qui ne terminait pas bien sa, sa, son inclinaison. Son inclinaison. Wa yanquru fi sujoudihi. Et, quand il fait le sujoud, la prosternation, yani, il se lève vite. Dès qu'il fait descendre son visage, il le lève. Alors il a dit yankur fi sujoudi. C'est comme il a dit, comme yani un oiseau ou là une poule ou là qui commence à picorer. Tu lui donnes, tu lui jettes des grains, elle commence à picorer. Est-ce que la poule, quand elle descend sa tête pour picorer le grain, elle va rester beaucoup? Même pas une seconde, elle lève la tête, elle descend, elle lève la tête. C'est comme ça que certains font la prière ma'al asaf. C'est comme ça que. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كادي لو بروفيت صلى الله عليه وسلم كنت لا فيو كلكان فير انسي il a dit لو مات هذا على حاله si cette personne était morte هكذا يعني dans cet état مات على غير ملة محمد il serait mort pas sur ma religion على غير pas sur mon chemin pas sur ma route pas sur mon hadi مات على غير ملة محمد ينقر صلاته cette personne là que je suis en train de voir, elle picore dans sa salat comme le corbeau picore le sang, hein, le corbeau quand il commence à picorer le sang. Ensuite il a dit مثل الذي, c'est un hadith comme j'ai dit Hassan, مثل الذي لا يتم ركوعه, celui qui ne termine pas son inclinaison, وينقر في سجوده, et picore quand il fait le sujoud, مثل الجائع, c'est comme la famille, quelqu'un qui a faim, الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. Quelqu'un qui a faim, ensuite qu'est-ce qu'il va manger? Il va manger une date et il va manger deux dates. Elles ne lui servent à rien. Quand tu es mourant de faim, on te donne une date, deux dates, trois dates, c'est comme si on t'a rien donné. La même chose ici. Quand tu fais une prière pareille, avec picoration comme ça, c'est comme si tu n'avais pas fait la prière. C'est comme si tu n'avais pas fait la prière. Allah subhanahu wa ta'ala yu'inana wa yu'allimana dinana. C'est pour ça que même en ce qui concerne l'inclinaison quand on s'incline, il y a deux sortes de gens. Les deux sortes sont fausses. Les deux sortes. La première sorte, qu'est-ce qu'il fait? Quand il s'incline, il descend seulement un peu. Il descend seulement un peu. Il ne descend pas convenablement comme il le doit. Et la deuxième personne, qu'est-ce qu'elle fait? C'est le contraire. Elle descend jusqu'à ce qu'il veut toucher avec sa tête le sol. Subhanallah. Il est incliné seulement. Il veut toucher avec sa tête le sol. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a une autre religion islam qui est toujours au milieu. Très modéré, toujours au milieu. Les sahaba ont dit, radiyallahu ta'ala anhum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait l'inclinaison, quand il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'inclinaison, tu pouvais prendre un verre d'eau, plein d'eau, tu le mettais sur son dos, il ne tomberait pas, et l'eau ne tomberait pas du verre, malgré que le verre est plein. Mais l'eau ne va pas tomber. Pourquoi? Parce que, yani, c'est, comme on dit, il fait un angle de 90%. Il fait un angle de 90%. Ni il descend plus, ni il se lève plus. Et cette façon de faire la prière comme l'a faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est obligé, car il a dit sallu kama ra'aytumuni usalli, il a dit faites la prière comme je l'ai faite. Tu n'as pas un angle droit exactement, tu n'as pas le droit de descendre beaucoup, tu n'as pas le droit de ne pas descendre du tout. Tu dois faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sinon ta prière n'est pas acceptée. Tu dois faire comme il faisait sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça, pour l'inclinaison par exemple, pour l'inclinaison même à la maison, tu fais des entraînements comme les autres font l'entraînement du judo et du karaté. Ils font les autres du judo, du karaté, ils font l'entraînement. Toi, tu t'entraînes à la maison, tu fais une inclinaison et tu regardes comme ça, à gauche, tu regardes le miroir. Tu regardes, est-ce que est-ce que tu as fait un angle droit, ou bien si ce n'est pas avec le miroir, avec ton enfant ou là ton mari ou là ton frère, tu t'inclines, tu lui dis, regarde, est-ce que par exemple je fais un angle droit, ou là je suis un peu année, je descends un peu plus, ou là je monte un peu plus. Car quand tu fais tout seul avec toi, tu peux pas savoir. Et ceux qui descendent beaucoup, pourquoi? Parce que lorsqu'ils descendent, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de tendre leur cou et de regarder vers l'endroit où on va faire le soujoud, qu'est-ce qu'ils font? Ils courbent le cou, comme s'ils voulaient rentrer leur cou entre leurs pieds. Alors c'est normal que le dos se courbe. Ils vont faire une courbe dans le dos parce qu'il veut rentrer sa tête, il veut la rentrer entre ses pieds. Subhanallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mais s'il avait tendu son cou et regardé, il avait regardé à l'endroit du soujoud, ensuite il fait descendre sa poitrine, il la fait descendre, sadro, il le fait descendre, il fait rentrer, il s'étire les épaules, il va faire l'inclinaison comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais même quand on fait le soujoud, il y a beaucoup de fautes. C'est pour ça qu'inchallah ta'ala, si Allah azza wa jalla veut, on va commencer la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je remercie la sœur, je crois que c'est Oum Abdullah qui m'a envoyé la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut seulement que je rentre pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, car je n'avais pas eu beaucoup de temps. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith aussi, il a dit Asrafa rajulun ala nafsih. C'est-à-dire quelqu'un qui, lorsqu'il était vivant, il n'a fait que les péchés. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتِ. Lorsqu'il a senti qu'il allait mourir, lorsque la mort s'est approchée, comment qu'il a senti? Comment qu'on peut sentir? Par exemple, on tombe malade d'une maladie grave. On sait que, par exemple, on va mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? أَوْسَ بَنِيه. Il a, comment qu'on dit أَوْسَ? Il a dit à ses fils, si vous voulez, on va dire il a. Abou Abdelrahman, je t'ai enlevé le point rouge. Non. Alors il a dit à ses fils, il a fait, je crois, Aoussa, recommandé. Il a recommandé à ses fils, non, parce que le wasiyya en arabe, ça s'appelle le testament. Donc disons, il a recommandé à ses fils, il a un amit fa ahriquni. Si demain moi je vais mourir, brûlez-moi. Comme font les hindous, wal'ayyadu billah. Ils se brûlent car ils croient que s'ils vont se brûler ici, ils ne vont pas être brûlés demain. Et nous, qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Nous dit, c'est vous que Allah Azza wa Jalla a dit, Oulaika sanu'adhibuhum marratayn. Ces gens-là, on va leur faire le adab, le châtiment, deux fois, le supplice deux fois. Naam. Une fois avec Jahannam ici, le feu ici, et le feu là-bas. Regardez comment fait le shaitan, regardez. Moi, quand je vois quelqu'un, j'ai vu une fois quelqu'un à la télévision, quelqu'un en train d'être brûlé comme ça, une femme, ça s'appelle immoler en français. Elle s'est immolée. Quand je vois quelqu'un, c'est pas que, au contraire, je ressens de la pitié. Je me dis, regarde celui-là, ce miskin, regarde qu'est-ce qu'il a fait. Regarde qu'est-ce qu'il a fait. S'il savait qu'est-ce qu'il avait. Qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Celui-là, il s'est brûlé ici pour rentrer à Jahannam, ne plus ressortir, ou l'ayadu billah. Quiconque qui meurt comme ça, kafir, en principe, Yannick, tu dois sentir quelque chose dans ton cœur. Tu dis, Alhamdulillah, alladhi hadana li hada. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Naam. Regarde les gens comment ils meurent. Incinérés par le feu. Naam. Brûlés. Naam. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Si moi je meurs, brûlez-moi. Ensuite, mettez-moi en poudre. Hein, quand on prend quelque chose, on frappe avec le mahraz hadak, elle devient poudre. Il a dit, faites de moi la même chose. Prenez mes os, brûlez, etc. Mettez-les dans quelque chose, prenez un caillou et commencez à frapper jusqu'à ce que je devienne de la poudre. Ensuite, adrouni fil bahf. Dans un autre hadith, il a dit, ensuite, attendez. Un jour où il y a vraiment du vent, il y a un vent puissant, et allez au bord de la mer et jetez-moi, le vent va me disperser. Ensuite il a dit, pourquoi cette seule en cendres, naam, prenez mes cendres, barakallahu fik, prenez mes cendres et allez au bord de la mer et choisissez un jour où il y a un vent, ensuite, hein, vous laissez le vent me disperser. Ensuite il a dit, فَوَاللَّهِ لَإِنْ قَدِرَ عَلِيَ رَبِّي لَيُعَذِّبَنِّي عَذَابًا مَا عَذَّبَ وَحَدًا وَاللَّهِ سِي si Allah Azza wa Jal, donc il sait que Allah Azza wa Jal existe, il sait que Allah Azza wa Jal existe, il a fait ça, il veut lui échapper seulement, il veut échapper à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a cru, le shaitan lui a dit, ou sa tête lui a dit que Allah Azza wa Jal ne peut nous ressusciter que si l'on meurt et on reste comme ça des corps, et si on devient de la poudre, il ne pourra pas. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Voilà les gens qui n'étudient pas la aqida, des gens qui, comme certains et beaucoup, qui rentrent dans les salles de takfir du matin au soir, le gouvernant est kafir, il est kafir, on doit faire, ensuite ils font rien bien sûr, alors que il doit rentrer dans les salles où on apprend la aqida, on apprend comment yani, avoir peur de Allah Azza wa Jal, comment aimer Allah Azza wa Jal, comment yani, s'évertuer pour faire ce qu'il aime, etc. C'est ça les gens que Allah Azza wa Jal aime, et c'est ça les gens que Allah Azza wa Jal a choisi pour qu'ils soient ahl, min ahlih, pour qu'ils soient min ahlih. Al-Mu'ms, Allah Azza wa Jal yu'allimana wa yahdiyana wa an yahdiyahum jami'an. Il a dit, wallahi, si Allah Azza wa Jal peut me récupérer, il va me faire un châtiment, un azab, comme il n'en a pas fait à quelqu'un avant moi. Wallahi, si Allah Azza wa Jal peut me récupérer, il va me faire un azab. Adab, comment dire adab en français, peut-être châtiment, on va me faire un châtiment, il va me faire, wallahi, comme il n'en a pas fait un autre avant moi. Pourquoi? J'avais dit que cette personne avait fait peut-être tous les péchés du monde, châtiment, cette personne avait fait peut-être tous les châtiments, pardon, tous les péchés du monde. Ils ont fait ce que leur père leur a dit. Ensuite l'Azul, qu'est-ce qu'il a dit après qu'ils aient fait cela? L'Azul قال الله تعالى للأرض الله عز وجل أدي على تاغ الأرض إلو يدي أدي ما أخذتي rend ce que tu as pris, rend ce que tu as pris. Parce que n'oubliez pas que la terre, les cieux, les arbres, les montagnes, les hommes, les créatures, les animaux, tous ils ont été créés par Allah subhanahu wa ta'ala. La terre c'est comme nous sommes une créature, nous a créé la même chose, Allah a créé la terre et elle a un langage spécial, elle a un langage, elle parle et elle parlera. يَوْمَ إِذِنْ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. C'est la terre. يَأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَالَهَا. La terre a dit, elle parle. Toutes les choses parlent. وَلَكِنْ لَتْفْرَهُنَ تَسْبِحَهُمْ. Mais vous ne pouvez pas comprendre comment qu'ils parlent. Les oiseaux parlent, les arbres parlent, la mer parle, toutes les choses parlent. Mais vous ne pouvez pas comprendre comment ils parlent. Allah Azza wa Jal lui a dit, rends-moi, rends ce que tu as pris. Ça veut dire, يعني les cendres هادو فإذا هو قائم. Lorsque l'Azul a dit ceci, une seconde et l'homme était debout, il a été ressuscité et il est debout. L'Azul lui a dit فقال ما حملك على ما صنعت. Et bien sûr il connaît la réponse, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ceci, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ceci. قال خشيتك يا رب, j'ai eu peur de toi يا الله. Le hadith a dit فغفر له ذلك فغفر له ولا فغفر له بذلك. Et à cause de cela, Allah Azza wa Jal lui a pardonné tous ses péchés. Donc qu'est-ce qu'on prend de ce hadith? Awalan, on prend que Allah Azza wa Jal, s'il veut pardonner tous les péchés du monde, il les pardonne. Tous les péchés du monde. Et il a dit dans le Coran, الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Mais il a dit seulement une condition, à condition que celui qui meurt ne meurt pas associé, ne meurt pas mouchrik, ne meurt pas avec la croix sur le cou. Il faut qu'il meure musulman. Voilà la grande condition. S'il est mort musulman, il a fait tous les péchés du monde, si je veux lui pardonner, personne n'a le droit d'entraver ou là de dire pourquoi ou là. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. On ne lui demande pas pourquoi tu as fait, mais les autres c'est à vous qu'on demande. C'est comme ça qu'a dit l'Azul, personne ne lui demande pourquoi tu as pardonné à celui-là, pourquoi tu l'as entré en enfer. S'il pardonne, c'est par celui Arhamur Rahimin. S'il fait rentrer quelqu'un en enfer, parce qu'il sait que celui-là a dépassé les limites. Celui-là a exagéré, il n'a pas honte d'Allah, il a dépassé les limites. C'est pour ça qu'il l'a fait rentrer. On prend aussi une faïda très très importante. Un avantage, je crois que faïda c'est avantage. Une faïda très très importante que Cheikh Issab Ibn Taymiyyah m'a répété souvent dans ses livres. Pour ceux qui ont lu de vos Majmou al-Fatawa, d'ailleurs il est petit, seulement je crois 31 tomes. Seulement 31 tomes, il est petit. Alors ceux qui ont lu Majmou al-Fatawa, ils savent que Cheikh l'Islam, dans beaucoup de ces tomes-là, il se basait sur ce hadith. Pour dire quoi? Que voilà, cet homme a nié quelque chose de très grave, quelque chose dans la aqida. Il a dit quoi? Il a dit que Allah Azza wa Jal ne peut pas me récupérer. D'ailleurs, la preuve, s'il savait que Allah Azza wa Jal allait le faire et aller revivre, ou le faire sortir après être en cendres, s'il savait cela, il n'est pas fou pour dire à ses enfants de faire ce qu'ils ont fait. Donc lui, il croyait en son cœur vraiment que Allah ne pouvait pas. Donc, هذا inkar li qudrati Allah. C'est très dangereux dans la aqida. Inkar li qudrati Allah. Et pourtant, Allah Azza wa Jalla lui a pardonné. Ça veut dire, comme dit Cheikh Ibn Taymiyyah, le jahl, quand on ne connaît pas quelque chose, même si c'est dans la aqida, s'il y a deux choses en contrepartie, yani, Allah Azza wa Jalla peut te pardonner. La première contrepartie, c'est quoi? C'est d'essayer de vouloir apprendre. Ce n'est pas de donner la aqida du dos. Dire, ah, moi, ça m'intéresse pas ces choses-là. Non. C'est, tu essayes, et il y a des choses que tu ne vas pas connaître. Il y a beaucoup de choses, tu vas mourir sans les connaître. Allah Azza wa Jalla ne va pas te faire un châtiment adab à cause de ton jahl, ton ignorance. Pourquoi? Parce que la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Mais il va donner des péchés à qui? Pas des péchés, des ithm, à ceux qui ils ont un cerveau, ils sont intelligents, il y a des douros, il y a que ça les intéresse pas. Ils disent non. Et ils préfèrent la télévision, ils préfèrent perdre leur temps. Cela, pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, talabul ilmi fariza ala kulli muslim. Si tu ajoutes un musulman, ça devient un hadith daif, bien sûr. Donc le vrai hadith, talabul ilmi, la demande de la science est une obligation pour chaque musulman. Chaque musulman. Et dans chaque musulman rentre chaque musulmane. Comme l'homme, il est obligé qu'il apprenne, la femme, elle est obligée qu'elle apprenne. Parce qu'il n'y a pas de raison pour que l'homme apprenne pour qu'il rentre au paradis et elle apprend pas, elle va aller en enfer. Elle va faire plein de péchés, elle va aller en enfer. Les deux sont égaux devant la science. Comme lui, il doit apprendre, elle doit apprendre. Ensuite, il y a des choses que lui, il doit les apprendre sans elle. Et des choses que elle doit apprendre sans lui. Par exemple, il y a des choses qui ont rapport seulement avec l'homme. C'est pas obligé qu'elle l'apprenne, elle. Elle ne fait pas le commerce. Elle n'est pas obligée d'apprendre la science du commerce en fiqh. Lui, son mari est un commerçant. Elle a les lots shihadou, elle a les monstrues, etc. Lui, il n'est pas obligé d'apprendre ces choses-là. Elle est obligée d'apprendre pour que demain, elle sache, est-ce que quand j'ai ceci ou cela, je fais la prière ou là, je fais pas. Est-ce que quand on est en plein ramadan, ensuite à 10h du matin, ça y est, je deviens pur. J'étais avec les monstrues, je deviens pur. Est-ce que ce jour-là, je fais carême ou là, je fais pas? Parce que je n'ai pas fait du matin du fajr jusqu'à 10h. J'ai même bu le café, etc. Maintenant, à 10h, je me suis purifié. Est-ce que je fais le carême ou je fais pas? Qui c'est qui va dire cela? Ça, c'est la femme qui est obligée d'apprendre ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui ont rapport avec la femme. Et il y a des choses qui ont rapport avec l'homme, et il y a des choses qui ont rapport avec les deux. Comme la aqida, par exemple. La aqida, les deux doivent apprendre la même chose. Il n'y a pas quelque chose qui dit l'homme apprend la aqida, la femme n'apprend pas. Ça veut dire la femme, elle ne va pas connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Elle va être une ignorante en la chose la plus aimée par Allah. Il n'y a pas quelque chose que Allah Azza wa Jalla aime que tu apprennes la aqida. Shahid Allahu annahu la ilaha illahu a attesté qu'il n'y a de Dieu qui mérite l'adoration. Qui a attesté? Allah. Lui, Allah a attesté sur lui-même. Shahid Allahu annahu la ilaha illahu wal malaika et les anges wa ulul ilm et les gens de la science. Donc ce sont ceux qui ont la science qui attestent que Allah Azza wa Jal, il n'y a que lui qui doit mériter l'adoration. Donc les juhels n'attestent pas ça, c'est un juhel miskin. Qu'est-ce qu'il sait? Il ne sait rien, il est du matin au soir, il est dans le café en train de jouer le domino. Il est du matin au soir en train de jouer le domino. Maintenant le temps du domino est révolu, c'est passé. Maintenant il est du matin au soir en face de la télévision à regarder les choses de haram. Les choses de haram du matin au soir, il ne s'en souvient jamais. Donc celui-là, le jour du jugement dernier, il ne va pas dire à Allah, je ne savais pas ceci, je ne savais pas cela. Comme a dit ce bonhomme dans le hadith. Ce bonhomme dans le hadith, il était seul, il n'y avait pas d'ulama, il n'y avait pas ceci. Allah Azza wa Jalla lui a pardonné. Ensuite, il y a la deuxième chose, c'est quoi? C'était un homme sincère. Il a fait cela parce qu'il a eu peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il savait donc, en son fort intérieur, il savait que quoi? Qu'il était en erreur et qu'il a fait beaucoup de péchés. Il savait cela. Donc, le fait déjà de reconnaître que tu t'es trompé, et le fait de pleurer, le fait de regretter, c'est déjà quelque chose qui joue un grand grand rôle en ce qui concerne la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Enfin, la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, dans un autre hadith, il a dit, أشد الناس عذابا يوم القيامة. Celui ou celle, bien sûr, c'est la même chose. أشد الناس, يعني, ou bien l'homme, ou bien la femme, ça n'a pas d'importance. Celui qui aura le plus de châtiments le jour du jugement dernier, أشد الناس عذابا يوم القيامة. من قال رجل قتل نبيا. Quelqu'un qui a tué qui? Qui a tué un nabi ou un prophète ou un messager. Quelqu'un qui a tué un prophète ou un messager, il n'y a pas quelqu'un qui aura un plus grand châtiment que lui. Pourquoi? Parce que le prophète ou le nabi, c'est qui? C'est un intermédiaire entre Allah et entre toi. Allah Azza wa Jalla ne va pas descendre de son trône pour qu'il t'apprenne et te dise ça c'est halal, ça c'est haram. Il a envoyé des messagers. Ce messager, toi tu le tues, donc tu coupes la relation entre Allah Azza wa Jalla et ses créatures. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va être châtié de son, qui va avoir un adab plus que qui? Plus que quelqu'un qui tue un nabi. Et bien sûr, je me rappelle de Zaynab bint al-Harith, la juive qui a fait du poison au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle l'a invité et lui a fait du poison dans la viande. Subhanallah al-Azim. Et elle a demandé avant, elle a demandé à certains gens qui connaissaient, je crois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'aimait-il le plus? On lui a dit, il aimait beaucoup l'épaule. Elle lui a mis du poison dans l'épaule, subhanallah al-Azim, et il était parti chez elle, il a mangé, lui et deux de ses compagnons. Deux. Un des deux, il est mort. Le deuxième, il est tombé malade. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il a, yani, commencer avec sa bouche, yani, comment on dit, av, dès qu'il a av, il a pris avec sa bouche un morceau de l'épaule, elle lui a dit, c'est l'épaule qui lui a dit, dès qu'il a mordu quelque chose de l'épaule, elle lui a dit, l'épaule a parlé, lui a dit, attention, il y a du poison dans cette viande. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous devez tous savoir, il est tombé malade, à partir de ce jour-là, il est tombé malade jusqu'au jour où, ça lui travaillait de jour en jour, jusqu'au jour où il est mort, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, les ulama ont divergé, est-ce que la femme a été tuée ou non? Est-ce que la femme a été tuée ou non? Certains ont dit qu'elle a été tuée, mais c'est pas parce qu'elle a fait du poison, mais parce qu'il y a quelqu'un qui est mort. Donc on l'a tuée parce qu'elle a tué ce quelqu'un, dont le compagnon dont je vous parlais tout à l'heure. Et même cette femme, qu'est-ce qu'elle a voulu? Elle a voulu tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, celui qui tue un prophète ou bien qui essaye de le tuer, c'est la même chose. C'est la même chose. Les intentions, l'intention dans le cœur. Quand tu as l'intention de faire quelque chose, et tu essaies de la faire et tu n'arrives pas, c'est comme si tu l'avais faite. Si elle est bonne, tu as des ajr. Si Si elle est haram, tu as des ism. Si tu, je donne un exemple très simple. Quelqu'un qui est assis par exemple dans la maison, par exemple, il se dit demain je vais voler la banque. Demain je vais voler la banque. Ensuite le lendemain, il sort, il arrive devant la banque, il trouve par exemple deux voitures de police là-bas qui encerclent la banque. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, alors si je peux pas, il revient à la maison. Celui-là, demain, lorsqu'il rencontrera Allah Azza wa Jal, Allah Azza lui dira, pourquoi tu as volé la banque? Tu lui dis, oh là, j'ai pas volé. Tu as volé. Ce qui t'a empêché, c'est que tu as trouvé une entrave. Tu n'as pas pu à cause, tu as trouvé une entrave de la police ici. Donc, l'intention, tu as voulu, no wait, tu as eu l'intention et tu as fait, akhaftabil asbab. Mais par contre, celui qui dit demain, je vais voler une banque. Ensuite, il s'assoit comme ça, il commence à réfléchir, aussi se dit, la hawla wa la quwwata illa billah, qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est quelque chose de, que Allah Azza wa Jalla n'aime pas. Ensuite, le lendemain, il ne va pas y aller. Celui-là, il aura un ajr, subhanallah al-azim. Il aura un ajr, il aura, Allah Azza wa Jalla demandera aux anges de lui écrire un ajr, un bienfait. D'ailleurs, dans le Sahih al-Bukhari, les anges eux-mêmes se sont étonnés. On dit à Allah subhanahu wa ta'ala, je lui donne un ange, pardon, je lui donne des ajr. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait ici? Ou bien qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Allah Azza wa Jalla a dit, Tarakaha min jarra'i. Le péché, il n'a pas fait à cause de moi. À cause de moi. Il s'est dit, c'est haram, il ne l'a pas fait. Le fait de ne pas faire quelque chose à cause d'Allah, il te donne un ajr. Car toi, tu veux le faire, ton âme veut le faire, tes passions te poussent. Tu es excité pour le faire. Et tu le fais par Allah Azza wa Jalla, il donne un ajr, un bienfait. Pourquoi? Parce que tu as fait le djihad à ton âme. Ton âme veut le haram. Toi, tu lui dis, non, c'est haram, je ne fais pas. Alors, Allah Azza wa Jalla donne un ajr. Regardez donc comment beaucoup de gens peuvent prendre des ajr, seulement ne pas faire. Subhanallah. Ce n'est pas seulement lorsque tu fais. Même lorsque tu ne fais pas, tu as un ajr. Ne fais pas des choses que Allah Azza wa Jalla n'aime pas et que toi, tu aimes. Ne les fais pas. Et surtout si ton âme te pousse. Là, ça veut dire que c'est un djihad. Allah Azza wa Jalla va donner un grand, grand ajr. Pourquoi? Parce qu'elle te pousse, ton âme, et toi, tu le fais pas. C'est pour ça que les ulama ont dit, il a tawaffarat dawa'i li fi'li al-ma'siyah ou fi'li al-fahisha ou shi, thumma imtana 'anha, kana al-ajr 'azima 'inda Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha? Li tawaffar dawa'i ila fi'li al-ma'siyah. Thumma yatrukuha. Hada sa'b. Lihada yakunu al-ajr 'azima 'inda Allah subhanahu wa ta'ala. Les ulama ont dit plus tu veux faire quelque chose de haram, plus tu veux le faire et que tu le fais pas, plus le ajr est grand, plus le ajr chez Allah est grand. Prenez un exemple très très simple. Youssef alayhi salam, qu'est-ce qu'il a eu? Zulikha, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est rentrée chez lui dans sa chambre, elle est rentrée dans un état, yani, une chemise de nuit ou là, comment ça s'appelle, très transparente. Ensuite, elle était belle. Ensuite, elle a fermé les portes. Ghallaqat al-abwab. Ensuite, elle a dit de faire le péché. Wa rawadatu. Yani, toutes les 5 minutes, elle lui répète. Toutes les 5 minutes, viens faire. Et il était beau. Il était l'un des plus beaux. L'un des plus beaux hommes du monde. Il était jeune. Quand on est jeune, on veut faire ces choses-là. On est jeune. Et il était dans un autre pays, pas dans son pays. Quand on est dans la Ghurba, moi je suis ici au Koweït, il n'y a personne avec moi, je peux faire ce que je veux, je n'ai honte de personne. Il n'y a pas les gens qui me connaissent, les gens qui me connaissent sont en Algérie. Lui, il était dans la Ghurba, dans un autre pays. Elle, c'est qui? C'est sa maîtresse. Moi, ma maîtresse, j'ai peur d'elle. Si elle me dit quelque chose, il faut que je fasse, j'ai peur d'elle, c'est ma maîtresse. C'est elle qui me fait vivre. Et au pire, ensuite elle lui a dit, « Wala in lam yaf'al ma amuruh la yusjananna » Et s'il ne veut pas faire ce que je veux, je vais le rentrer en prison, ou bien il sera un mesquin, il ne sera rien du tout pour moi. Et je vais lui faire beaucoup de problèmes. Et est-ce que Youssef alayhi salam a fait? Il n'a rien fait. Il a dit Ma'adallah, innahu Rabbi, ahsana mathwaya. Rabbi, ça veut dire, c'est parler de son mari. C'est lui, Rabbani, c'est lui qui m'a élevé. Ma'adallah, quelqu'un qui m'a élevé toute sa vie, sera. Voilà ce que je vais faire avec sa femme le péché. Ma'adallah. Donc regardez les fitnas, les 7 ou 8 fitnas que je viens de citer. mais est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait. C'est pour ça que le hadith a dit dans les sept que Allah Azza wa Jalla va rentrer sous l'ombre, quand il n'aura donc que son ombre, wa rajulun da'atu imra'atun, et un homme dont la femme, dont une femme l'a appelé pour faire le péché. Zatu mansab wa jamal, c'est pas une vieille de 80 ans. Zatu mansab et jamal, c'est une femme très belle, peut-être jeune. Et Zatu mansab, c'est la fille de X et de Y, ou bien elle, c'est une c'est un ministre ou je ne sais pas quoi. Faqala akhafullah, il a dit j'ai peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas dit ça c'est l'occasion de la vie. Ça c'est l'occasion de la vie, une belle femme, et elle est la fille de X, d'une grande beauté, un haut rang social, et il ne va pas faire. Celui-là, Allah Azza wa Jalla le mettra sous l'ombre, quand il n'y aura d'ombre que son ombre. Il n'y a pas l'ombre des gratte-ciels, il n'y a pas l'ombre de la tour Eiffel, il n'y a pas le jour du monde dernier. Il n'y a ni arbre, ni bâtiment où tu peux te cacher, ni parapluie, ni parasoleil. Ce jour-là, Allah Azza wa Jalla va sortir sept personnes pour les mettre dans son ombre. Allah Azza wa Jalla qui nous rentre sous son ombre, de jour il n'y aura d'ombre que son ombre. Donc je voulais te dire que quand quelqu'un lâche une chose, ne la fait pas à cause d'Allah, et lui il le veut, il veut cette chose, plus il la veut, plus il la veut, plus il la fait pas, plus le ajr est grand chez Allah subhanahu wa ta'ala. Plus, pourquoi? Parce que l'Azul sait que tu es en train de faire un combat à ton âme. L'Azul va dire, et lui il t'a crié, il sait ce qui se passe dans ton cœur, il dit, chauffe mesquine Hada, regarde le pauvre Hada comment qu'il souffre. C'est pour ça qu'il va te donner un grand, grand ajr. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه. Quiconque ne fera pas une chose à cause d'Allah, Allah Azza wa Jalla lui donnera une chose mieux que celle-là. Des fois, toi, tu trouves un travail qui fait rentrer beaucoup d'argent. Mais quoi? Mais ce travail est haram. C'est dans la banque. La banque où il y a la riba. La riba. Comment tu vas faire? Là, tu entres deux feux. Tu vas pas travailler, tu vas dire. Donc, comment je vais rester? Tu vas travailler, tu vas rentrer dans le haram et la riba. Mais si tu lâches quelque chose, tu dis non, je vais pas y aller. Et j'ai dans mon cœur la certitude que l'argent ne va pas me laisser. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne ment pas, ma'azallahu wa hasha. Et il a dit, quiconque ne fera pas une chose en la cause d'Allah, parce qu'Allah ne l'aime pas, Allah Azza wa Jalla lui donnera mieux que cette chose. Mieux que cette chose. Afin que quoi, Allah Azza wa Jalla te récompense, afin que tu ne sois pas hazin, afin que tu ne sois pas chagriné, etc. Allah Azza wa Jalla va te donner, si ce n'est pas dans une semaine, dans un mois, dans six mois, il va te donner quelque chose qui. Une récompense d'Ati. Donc, comme je disais, si maintenant, si tu ne fais pas quelque chose, tu t'abstiens d'une chose que tu aimes beaucoup à cause de Allah qui lui n'aime pas cette chose, je vous ai montré quelle est la récompense qu'il va avoir. Et maintenant, exactement le contraire. Si tu fais quelque chose, que Allah Azza wa Jal n'aime pas. C'est pas tu ne fais pas. Tu fais maintenant quelque chose que là je n'aime pas, alors qu'il n'y a pas de raison pour la faire. Hein? Celui-là, il n'y a pas quelqu'un qui aura aussi un châtiment comme lui. C'est le contraire de la première sorte. La première sorte, toi, tu veux faire et tu lâches cette chose à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a toutes les causes pour la faire. Toutes les causes. Youssef, alayhi salam, jeune, beau, la femme Zulikha, belle, etc., etc., toutes les choses, et tu ne l'as fait pas. Maintenant, c'est le contraire. Il n'y a pas les choses. Il y a des choses qui poussent à faire, elles n'existent pas. Et tu vas faire cette chose. Celui-là, il n'y a pas un châtiment plus grand que celui-là. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith sahih, il a dit trois personnes. Allah Azza wa Jalla, yawm al-qiyama, la yanzuru ilayhim. Il ne les regarde pas, il ne les verra pas. Et il ne leur parlera pas. Il ne va pas les purifier. Et ils auront un grand châtiment. Il a cité trois personnes. Vous savez qui est l'une des trois? Sheikhun, un vieux, il va faire la zina. Quand je dis un vieux ou une vieille, c'est la même chose. Un vieux, il va faire la zina. Un vieux. Ne sait-il pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ma nation ne dépasse pas les 70 ans, et que tous mourront, que le plus haut, le plus âgé, mourra entre 60 et 70. Sauf quelques-uns, il a dit, sauf quelques-uns vont dépasser. Alors le vieillard de 70 ans, on a 80 ans, ne sait-il pas cela? Il va faire la zina et la fornication, alors qu'un vieillard, normalement, il n'a plus de tentation. Le vieillard, il doit s'asseoir et faire beaucoup de nafila, faire beaucoup de subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, parce qu'il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala très prochainement. Et vous, oui, à le rencontrer très prochainement. Il est âgé. Alors quand on est âgé, on n'a pas, on n'aime pas être normalement la zina et on ne penche pas vers elle. D'ailleurs, même un âgé, vous devez tous savoir, un âgé, quand il fait même un acte, le rapport avec sa femme, il ne peut pas, et puis c'est difficile. Il a son cœur qui bat, c'est difficile, ça a besoin d'effort. Ensuite, un vieillard, il va faire cela. Donc, Bazoul a dit, celui-là, les trois radeaux, je ne les regarderai pas, je ne leur parlerai pas, je ne vais pas les purifier, et ils auront un énorme châtiment le jour du jugement dernier. الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يكون لنا وأن يكون معنا وأن يثبتنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان donc j'ai pas terminé le hadith. Il a dit أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله النبي. Donc ceux qui vont avoir le plus grand châtiment le jour du jugement dernier, le premier c'est qui? Quelqu'un qui va tuer un nabi. Le deuxième c'est qui? Quelqu'un qu'un nabi, un messager ou un prophète, va tuer. Subhanallah, pourquoi? Pourquoi quelqu'un qu'un nabi ou un prophète tue, il va avoir le grand châtiment? Pourquoi? Parce que un prophète et un nabi, ils sont envoyés, rahmatan lil alamin. Ils aiment les gens, ils leur aiment le bien. On les frappe, ils disent rien. Le professeur Hassan, on le prenait par le cou, comme ça, on voulait l'étrangler. On lui disait, donne l'argent. L'argent, c'est pas de ton père. Donne ton l'argent. Alors, bien sûr, ceux qui disent cela, bien sûr, pas peine de dire qui c'est qui. Et nous, on l'a frappé. On lui a cassé une dent. On lui a cassé une dent. Donc, les prophètes ne font de mal à personne. Maintenant, si un prophète tue quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne, il n'y a pas d'une personne de plus détestable ou d'une personne qui est plus haïe que cette personne. Car les prophètes aiment les gens, ils ont été envoyés à Rahma. Comment se fait-il qu'un prophète aille tuer quelqu'un? S'il va tuer quelqu'un, ça veut dire que ce quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un qui mérite. Donc quelqu'un qui a été tué par un prophète, il n'y a pas quelqu'un comme lui qui va avoir un châtiment le jour du jugement dernier. Ou, troisièmement, ou bien quelqu'un qui fait égarer les gens sans avoir de ilm. Il croit qu'il a du ilm. Il va égarer les gens. Rentrer dans la salle des ahbash qui s'appelle Allah l'unique sans associé. Allah l'unique sans associé. Rentrer là-bas, vous trouverez quelqu'un qui égare les gens et qui croit qu'il a du ilm. Quelqu'un qui égare les gens. Il leur apprend que l'azul ne descend pas, ne rit pas, ne s'étonne pas, n'a pas de main, n'a pas de pied, n'a pas de yeux, ne viendra pas le jour du jugement dernier, on va pas le voir, c'est quelqu'un qui? C'est quelqu'un qui égare les gens. Et il croit, si vous le parlez, il croit qu'il a du ilm. Oh, lui, mashallah, c'est lui qui a du ilm, et c'est nous qui sommes en erreur. Donc j'ai bien dit à mes frères et mes soeurs de ne jamais rentrer dans une salle pareille, sauf si quelqu'un a du ilm pour rentrer pour le contrer. Ou bien quelqu'un ou quelqu'un des soeurs là qui veut rentrer avec un autre but. Elle se dit, je rentre là-bas dans la salle, ensuite je diminue le son pour que je n'entende pas le poison qu'il dit. Tout ce qu'il dit, c'est un poison, je ne l'entends pas, pour qu'il ne rentre pas dans mon cœur. Et tout en étant dans la salle, elle contacte en PV. À chaque fois qu'elle voit, c'est le nom d'une sœur, elle la contacte. Et elle lui dit, salam alaikum, tu ne sais pas que c'est une salle de ahbash, tu ne sais pas ce qu'on dit les ulama sur les ahbash, kada, ils disent kada, ils disent kada, jusqu'à ce qu'elle l'aide, inshallah ta'ala, à la faire sortir de la salle. Si elle fait comme ça, elle a ajr indallah subhanahu wa ta'ala azim, parce qu'elle fait le jihad, et elle fait sortir les gens de l'obscurité vers le nour. À condition, comme j'ai dit, si elle rentre, elle n'écoute pas ce qu'il dit. Elle enlève le son, il s'est écrit mute. Elle fait le mute, sur le mute, elle clique. Ensuite, elle rentre dans les PV, elle fait sortir les gens de l'obscurité vers la lumière. Celle-là, ou celui-là, inshallah ta'ala, il aura un ajr azim عند Allah subhanahu wa ta'ala. Et dernièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, au musawwir, il parle toujours de ceux qui vont être à avoir un grand châtiment, il a dit, au musawwirun yusawwiru tamathil. Ou bien, quelqu'un qui sculpte les statues. Les statues d'hommes, statues de femmes, statues des anges, statues des animaux. Quelqu'un sculpte les statues. Il n'y a pas quelqu'un qui va avoir un ithme comme lui le jour du jugement dernier. Bien sûr, moi je dis à tous mes frères et mes sœurs, et mes fils et mes filles, de sculpteurs, quiconque a une statue dans la maison, il ne faut pas qu'il la laisse chez lui. Quiconque a une statue, ou il y a un cheval, ou là il y a un homme, ou là quelqu'un assis, ou là je ne sais pas quoi, ou là un animal, ou là, il ne faut pas qu'il la laisse à la maison, parce que c'est quelque chose de grave. Parce qu'Allah Azza wa Jal a envoyé les prophètes, pourquoi? Pour casser les statues. Non pas pour que moi, j'achète une statue, je la laisse dans la maison. Ça veut dire que, Rani Ravi bihad al-kufr. Ça veut dire que, je suis Ravi, ça veut dire, je ne suis pas contre, hein. Je vois une statue dans ma maison, elle est là, je ne suis pas contre. Ça veut dire, je suis Ravi, si je puis dire. Rani, je suis complice, je suis satisfait. Naam, j'approuve. Jazakallah, ta'am. Je suis satisfait, j'approuve. J'approuve cette chose. Au qirro, elle est là devant moi. Elle est là devant moi, je l'ai pas cassée, je l'ai pas cachée. Donc, bien sûr, quand on fait des choses pareilles, on n'est pas obligé, par exemple, de les casser devant, par exemple, le père ou la mère ou là. On peut la prendre sans qu'il sache. Et on peut la jeter loin ou la casser sans qu'il sache. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Bien sûr, la meilleure des choses, c'est d'enlever la statue d'abord du cœur de la personne. Ça veut dire faire la da'wa. Lui dire que c'est ce haram, les prophètes ont été envoyés pour casser les statues. Là, pourquoi il a envoyé les prophètes? Pour qu'on adore que Allah subhanahu wa ta'ala, etc., etc. Maintenant, ensuite, si elle s'enlève du cœur, elle s'enlèvera facilement du salon. Ça, c'est la meilleure des choses. Mais quand quelqu'un sait qu'il est avec une personne qui n'écoute pas, etc., s'il prend cette chose en cachette et la casse, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah, inshallah ta'ala, il a un ajr, sauf s'il sait qu'il va faire une fitna. Sauf s'il sait que s'il va la casser ou la cacher ou là, il va faire une fitna dans la maison, on va l'expulser de la maison, il va dormir sous les ponts, etc. à cause d'une chose comme celle-là, il vaut mieux qu'il patiente jusqu'à ce qu'il trouve, inshallah, une solution adéquate. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith sahih, il a dit, demandez l'exaucement des invocations. Naam, on n'interdit pas un mal ou un mal par un mal plus grand. Naam, quand on veut changer on veut enlever un mal en islam, on ne fait pas venir à sa place un mal plus grand. On ne fait pas venir un mal plus grand. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a des moments où quand on fait des invocations, des doigts, c'est exaucé. Il a dit, choisissez ces moments. Choisissez les moments حيث تستجاب الدعوة. يعني تحروها. Il essaye de chercher les moments où le doigt est exaucé. Il a dit, par exemple, عند التقاء الجيوش. Lorsque deux armées se rencontrent. L'armée des musulmans et l'armée des kuffars. Dès qu'ils se rencontrent en face, tu fais le doigt. Inch'Allah ta'ala, il va être exaucé. Wa iqamat salat. Quand la prière va commencer, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ensuite il a dit qad qamat salat. Ça, c'est pas l'appel à la prière, c'est iqamat salat. Le doigt est exaucé. Il y a un autre hadith qui dit, quand tu entends l'appel à la prière aussi, l'appel, le mu'ezada, quand tu fais Allahu Akbar, Allahu Akbar, tu fais le doigt. Ensuite dit, wa nuzul al-ghayth. Quand la pluie commence à tomber, le matar. Qu'est-ce que tu dis, doua, l'homme sayyiban nafi'a. L'homme sayyiban nafi'a. Ou si tu veux, tu fais un doua. Il a dit, profiter de ces moments, car le doua, il est mustajab, inshallah ta'ala. Thumma qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, itala'tu fil jannah. Lorsque j'ai fait l'ascension, le prophète Islam, il a dit, lorsque j'ai fait l'ascension, il est monté chez Allah subhanahu wa ta'ala, itala'tu fil jannah. J'ai vu ce qu'il y avait dans le paradis. فرأيت أكثر أهلها الفقراء. J'ai vu que la plupart qui des gens qui étaient au paradis, c'était des pauvres. Naam. Pourquoi ce sont des pauvres? Vous avez sûrement compris que ce sont des pauvres. Pardon, pourquoi ce sont des pauvres qui rentrent? Parce que les pauvres n'ont pas beaucoup d'argent. Et que plus tu as de l'argent, plus le calcul hisab va être long. Donc, toi, tu restes avec ton argent, tu attends le hisab. Et le pauvre, il n'avait rien dans la poche. Il avait 1 euro, 2 euros, il mangeait un peu de pain, un peu de lait, il dormait. Donc celui-là, quand il vient à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien avec lui. Les autres, ils avaient des millions, ils avaient des milliards. Donc, commençons par le commencement. D'où tu as eu 7 euros, 1 euro, d'où tu l'as eu et où tu l'as dépensé. Deuxième euro, d'où tu l'as eu et où tu l'as dépensé. Et ainsi de suite. Quand est-ce que tu vas terminer si tu as des millions, des milliards? Quand est-ce que tu vas terminer? Donc les pauvres, alhamdoulilah, dans un hadith sahih, dans Sahih Sheikh Al-Albani, il a dit les pauvres rentreront 500 années au paradis avant les autres. Naam, 500 ans. Dans un autre hadith sahih, le prophète alayhi sallam a dit les pauvres rentreront une demi-journée au paradis avant les autres. Et une demi-journée, pourquoi? Parce que la journée du jugement dernier, c'est 1000 ans. Donc, la demi, tu la coupes en deux, ça donne combien? Ça donne 500 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit quelque chose, jamais ces hadiths ne se contredisent. Alhamdulillah. Ensuite, il a dit, dans le même hadith, « وَطَلَعْتُ فِي النَّارِ » Et j'ai regardé à l'intérieur de l'enfer. « فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء » J'ai trouvé que la plupart qui étaient en enfer, c'était les femmes. Naam. La plupart qui vont rentrer en enfer, c'est les femmes. Alhamdoulilah, quand je dis c'est les femmes, ce sont pas les sœurs, ce sont les femmes. Il y a les femmes et il y a les sœurs. Les femmes, c'est celle qui fait pas la prière, celle qui fait la zina, celle qui boit le vin, celle qui va danser avec les hommes, celle qui ne porte pas le voile islamique. Celle-là, c'est la femme. Ensuite, il y a la sœur qui, alhamdoulilah, fait la salat à l'heure, qui a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui essaye de faire ce qu'il aime, qui a dit inshallah ta'ala. Une femme qui adore Allah Azza wa Jal et qui fait son maximum, elle fait tout ce qu'elle peut pour adorer Allah Azza wa Jal, celle-là, elle aura un ajr, je pense, Wallahu ta'alam, qui sera plus que celui de l'homme. Je vais vous dire pourquoi, ça rentre dans le hadith que je disais tout à l'heure. La femme, si elle voulait faire le haram, est-il difficile pour elle? Une femme, si elle veut faire la zina, par exemple, une femme, elle veut faire. Comme Zulikha a voulu faire tout à l'heure quand on a parlé de Yusuf alayhi salam. Une femme, quand elle veut faire, c'est difficile pour elle la zina. Il suffit qu'elle sorte dans la rue, elle lève un petit doigt, 10 voitures vont s'arrêter. 10 voitures, 3 bus et 5 camions vont s'arrêter. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. L'homme, non. L'homme, même s'il veut faire la zina, il peut pas. C'est pas facile. Il faut qu'il court derrière la femme, il faut qu'il fasse 1000 choses. Et peut-être qu'il ne va pas arriver. La femme, si elle veut, en une seconde, elle peut en une journée faire 10, 15 fois le péché sexuel. Et si elle se retient, le fait pas. C'est pas parce qu'elle, elle veut pas. Tout le monde a des tentations, mais c'est parce qu'Allah Azza wa Jalla ne le veut pas. Celle-là, elle aura un ajr azim yawm al-qiyamah azim. Pourquoi? Parce qu'elle peut faire et elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas en la cause d'Allah subhanahu Azza wa Jalla. Donc celles-là qui sont dans l'enfer, ce sont des femmes qui, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un autre hadith, elles font des péchés. Il a cité le péché de quoi? Que font beaucoup de femmes. C'est quoi? Yakfurna al-ashir. Yakfurna al-ashir. Elle vit avec son mari, mais yani, s'il lui ramène tout ce qu'il y a dans ce monde, elle dit je suis malheureuse. Elle dit je suis malheureuse. Il lui donne tout ce qu'elle veut. Il essaye de lui donner tout ce qu'elle veut. Elle dit, je n'ai vu avec toi que le mal. Bon, bien sûr, il se peut que ce qu'elle dit soit vrai. Si son mari c'est un ivrogne, qui ne fait pas la prière, et qui passe son temps à faire le haram, etc., celle-là n'a vu de son mari peut-être que le mal. Mais si c'est quelqu'un de pieux, quelqu'un qui a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un qui voudrait, par exemple, mais il ne peut pas. Il y a des hommes, des maris, il n'est pas riche. Allah, il ne peut pas. Elle voudrait qu'il fasse يعني tout ce qu'elle veut elle, tout ce qu'elle souhaite, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible. Donc dans ce cas, elle n'a pas le droit de lui dire je n'ai vu de toi que du mal. Elle n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est pas fait exprès. Il n'a pas l'argent caché à la banque et il ne lui achète pas ce qu'elle veut. Celui-là, la ghalb, c'est la paye qui est petite, il peut pas. Il peut pas. Donc là, tu dis sabr wa sabr. Et l'insan yahmad Allah subhanahu wa ta'ala, il dit alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Il y a des gens peut-être qui ne mangent même pas. Il y a des gens qui ne mangent même pas. Je dis alhamdulillah, j'ai une maison, j'ai des enfants, j'ai quelque chose. Et puis, la femme toujours met dans son cœur que quoi? Elle n'est pas reconnaissante. Non. La femme doit, même l'homme, on met toujours dans notre cœur que la vie a dit du bas monde, c'est, ça va passer. Nous, on n'est pas, on n'a pas été créés pour vivre cette vie et profiter d'elle. On a été créé pour un petit test. Un test. Est-ce qu'on est apte à rentrer au paradis ou on n'est pas? C'est tout. Là, tu es sur cette vie, tu vas rester 10 ans, 15 ans, 30, 70 ans, 100 ans et tu vas mourir. Tu vas mourir, tu auras une feuille avec toi et cette feuille, elle est là, maintenant, je suis en train de vous parler, elle est attachée à notre cou. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu bi'unuqih. Tous, on a quelque chose, un livre qui est accroché à notre cou. Maintenant, nous, on ne le voit pas, bien sûr, mais lorsqu'on va mourir, on va le cacheter. Ensuite, le jour du jugement dernier, la Azzawajal te dira, ouvre ton livre et lis toi-même. Moi, je te dis rien, je te dis pas, tu as fait, tu n'as pas fait, tu vas me dire, j'ai pas fait. Ouvre ton livre et lis toi-même s'il y a dans le livre. Lorsque, bien sûr, celui qui faisait tout le temps des péchés, qui n'était pas pieux, etc., et le kafir, lorsqu'il va l'ouvrir, « Qaluya wa ilatana mali hada kitab » لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Lorsqu'on va voir le livre, il dit subhanallah, qu'est-ce que c'est ce livre? Yani même la petite chose, il la marque. Les ulama ont dit, quand tu es malade, tu dis un, c'est marqué, un, c'est marqué. Donc, les kuffars et tirs vont dire, qu'est-ce que c'est ce livre? Même la chose la plus petite, elle est inscrite à l'intérieur. Ce jour-là, les kuffars, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, il ne reste qu'une solution. C'est de dire quoi? C'est de dire à Allah, on a quelque chose, yani, on veut dire quelque chose, dites ce que vous avez. Ils vont dire, les anges, n'est-ce pas, chacun de nous a deux anges? Oui, chacun de vous avait deux anges. C'est les anges qui m'ont ajouté des choses dans le livre. Le livre, moi je ne le reconnais pas. Les anges, ils étaient contre moi, je ne sais pas pourquoi, ils me détestaient, ils étaient jaloux, ils écrivaient, hawla wa la quwwata illa billah. Ils écrivaient dans le livre. Et ils croient que s'ils vont dire cela, Allah Azza wa Jal, il ne va plus trouver de réponse. Ah, il va leur dire, ah, pardon, je me suis trompé, hein. Ça, je ne l'ai pas remarqué. Oh, vous êtes très intelligent, vous. Alors, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il va vous dire quand ils vont dire cela? Il va leur dire, d'ailleurs, le hadith est dans le Bukhari, il va leur dire, vous voulez qu'il y ait un témoin de vous? Pas un livre, pas, ils disent, naam, nous, on veut seulement un témoin de nous. Alors, Allah Azza wa Jal va leur fermer les bouches et va demander à ses mains, à leurs jambes et à la de parler. Ce jour-là, ses mains, les mains vont parler, ils vont dire, oui, ya Allah, moi j'ai pris la bière, je l'ai pris, les membres, naam. La main va dire, c'est moi qui avais pris la bière. La main gauche va dire, c'est moi qui avais, par exemple, la cigarette de la drogue, elle était dans la main gauche. La bouche va dire, oui, c'est moi qui avais bu cette chose. Le ventre va dire, oui, l'alcool est arrivé à moi. Les gens vont dire, oui, nous sommes allés, je me souviens, on est allé au bar X, Y. Les yeux ont dit, oui, moi, je voyais les films interdits. Je voyais les films de sexe, je voyais ça. Les yeux vont dire, moi, je voyais ces choses-là. Bien sûr, les parties intimes vont dire, oui, moi, exactement, j'ai fait avec X et X, c'est moi qui avais fait l'acte sexuel. Alors là, le kafir, il ne va plus trouver quoi à dire. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ce jour-là, تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ vont témoigner أَيْدِهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ, leurs mains et leurs pieds, des choses qu'ils faisaient. يَوْمَ تَشْهَدُ أَلْسِنَتُهُمْ, leur langue, leurs mains et leurs pieds, des choses qu'ils faisaient. Donc personne ne peut, il peut échapper au hisab, au calcul d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou là il peut le duper ou là. Donc quand je suis à l'école, dès que le professeur, dès qu'il se retourne de l'autre côté, hein, je jette une feuille à quelqu'un, et là, il me jette une feuille pour copier, ou là, ça, je peux le faire. Pourquoi? C'est un homme comme moi, il est faible et je peux le tromper. Allah Azza wa Jalla, c'est impossible de le tromper. C'est impossible de le tromper. Je crois que je m'arrête pas, j'ai assez parlé aujourd'hui. Il est déjà combien? Il est minuit 20. Bon, il est minuit 20, j'ajoute 10 minutes, inchallah, pour terminer à minuit 30, comme ça, c'est mieux. Le prophète Ali a dit, les gens qui vont avoir le jour du jugement dernier, ils vont avoir les coups les plus longs, ce sont qui? Ce sont ceux qui font l'appel à la prière. Ce sont ceux qui font l'appel à la prière. On appelle ça en arabe le mu'addin. Le mu'addin, ce sont ces gens-là qui vont avoir les coups les plus longs le jour du jugement dernier. Pourquoi? À force que, lorsqu'il faisait l'appel à la prière, yani, il faisait des efforts, yani, quelque chose, yani, son cou, il faisait des efforts pour yani, faire arriver le son loin. L'Azawjal va, yani, le muezzin, l'Azawjal va lui donner un coup long. Dès que tu vois le jour du jugement dernier, tu vois des gens qui ont de longs coups, pas comme tous les gens, ça veut dire que celui-là, dans le bas monde, il était muezzin. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, bon, les hadiths sont encore longs, je préfère que, inshallah ta'ala, que je m'arrête ici, parce que les hadiths qui viennent sont un peu longs, on va les laisser, inshallah ta'ala, pour la prochaine fois. Inshallah ta'ala, on va se rencontrer dans 5 minutes, le temps de voir quelque chose, de marcher un peu. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك n'oubliez pas surtout بارك الله فيكم de préparer les questions. C'est pas quand j'enlève le point rouge personne ne colle et n'écrivez pas quelque chose de long parce que ça ne s'affiche pas. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين rendez-vous inshallah بعد 5 دقائق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل فيه صوت؟ نعم. Je vais commencer par en ce qui concerne le contrôle qu'on avait fait hier. عليكم السلام ورحمة الله. Le contrôle qu'on avait fait hier, je n'ai pas encore corrigé. Mais je vais vous donner les noms de ceux qui me sont arrivés, afin que peut-être il y a quelqu'un qui a envoyé et il n'est pas arrivé. Peut-être il y a quelqu'un qui m'a envoyé et son contrôle ne m'est pas arrivé. Voilà les noms qui me sont arrivés. Abu Lina Bilal, Khadija Oum Abdallah, ensuite Abu Lina Bilal, ensuite Oumoulina, ça veut dire sa femme. Ensuite, Shahinez 92, Kamel. Ensuite, Blablabla, c'est un drôle de nom. Abu Mohamed Tounsi, Zohor. Abu Mohamed Tounsi, la suite. Kassis. Abu Mohamed Tounsi, la suite. Isis Diakite Axis Karima Dada Oumou Suleyman Sheikh Ahmed Tidan Cerizo Hakim Kabran Riyadka. Voilà les noms de ceux qui me sont arrivés. Peut-être qu'il y a d'autres qui ont envoyé, ils ne sont pas arrivés. Peut-être qu'il y a d'autres qui ont envoyé, de toute façon ils ne sont pas arrivé. Ensuite, Inch'Allah, demain je serai avec vous. Demain c'est mercredi, le DAS et jeudi. Ensuite, Inch'Allah, vendredi matin, Inch'Allah ta'ala, je vais voyager, je vais revenir mardi ou l'autre mercredi. Donc, on Inch'Allah, demain, ensemble, demain et après-demain, Inch'Allah, demain ou l'après-demain, je vous donne Inch'Allah la réponse de ces contrôles. On commence Inch'Allah la première question. من أبو وأم لينا؟ تفضل تفضل تفضل إن شاء الله. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Vous avez cité la fitna qu'avec Youssef alayhi salam avec Zuleha. Est-ce que vrai que les Qutbis disent que si Allah Ta'ala n'avait pas retenu Youssef alayhi salam, il aurait fait la zina? A'udhu billah avec elle. Ensuite, choisis aussi, pas net, comme des Qutbis. Naam. Dans cette affaire, ce qui s'est passé entre il y a du son, Wesmak, il y a du son. Buenos Aires, il n'y avait pas de son. Il y a du son. Non, entre la fitna qui s'est passée entre Youssef alayhi salam et Zuleha, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies qui ont été dites. Beaucoup de choses qui ne sont pas vraies et qui ont été dites. C'est quoi par exemple entre ces choses? C'est très malheureux de trouver ça dans des livres de tafsir, etc. C'est très malheureux de trouver ces choses, de dire que Youssef alayhi salam s'était même préparé, il allait presque faire l'acte jusqu'au point où il n'était pas loin, ma'adallah, astaghfirullah, d'enlever son pantalon, comme ça dit certains tafsir, ma'adallah, comme ça dit. C'est pour ça que les ulama font garde des israéliettes qu'on appelle, des poisons qu'il y a dans certains tafsir. Mais sunna, le vrai, ce qu'ils disent que walaqad hammat bihi wa hamma biha, elle avait voulu de lui qu'il fasse la zina, la fornication. Elle avait voulu, et elle a essayé même de faire son possible. Le hamma biha, ils ont dit, l'ulama hamma biha, ils ont dit le hamma, c'est nou'an. Il y a deux sortes de, il y a des choses qui nous passent par la tête, ou là, qui nous, les idées qui nous passent dans le cœur, il y a deux sortes. Fi hamma israr, ou fi hamma khawater. Youssef alayhi salam, hamma khawater. Ça veut dire que l'intention qui nous passe dans le cœur, ça se divise en deux intentions. Je dis pas intention, hem faqat, ça c'est des idées. Il y a quelque chose qui te passe dans le cœur, comme ça, ça passe comme ça passe à tout le monde. Il y a une idée ou une image qui te passe dans la tête, comme ça passe à tout le monde. Ensuite, il y a la deuxième, celle qui, elle passe pas par le cœur, mais elle veut habiter le cœur. Quelque chose, tu te plais. Quand tu penses à cette chose, tu te plais, ça te fait plaisir, tu sens quelque chose dans ton cœur qui te réjouit. Ils ont dit, les ulama, Youssef alayhi salam, c'est la première sorte. Une idée comme ça lui est passée, elle est entre ses yeux. Hem khawater. Khawater, c'est des choses qui nous passent comme ça dans les têtes. Des fois, on a des khawater sur toutes choses. On a même des khawater sur Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas, est-ce que, etc. Comment qu'on va faire, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, ça s'appelle khawater, ça passe seulement. Mais il y a des choses qui ne passent pas, c'est toi qui les arrêtes. Parce que tu aimes ces choses, hein, tu les voudrais, etc. Enfin, Youssef alayhi salam, jamais il n'a eu le deuxième. Il a eu le premier. Pourquoi? Parce que c'est un être humain. Tout ce qui nous passe à nous peut lui passer à lui et passer à tout le monde. Peut passer à tout le monde. Voilà ce que disent El Sunna, les vrais. Et certains ont dit, Hamma biha, et c'est-à-dire, il a voulu la frapper. Hammat bihi, afin qu'il fasse la zina, et hamma biha, afin qu'il la frappe. Certains aussi ont dit cela, mais la plupart, les muhaqqiqoun ont choisi la division du ham en ham khawater ou ham israr. Wallahu ta'ala a'lam. Est-ce qu'il y avait une autre question ici? Il n'y a pas. Souleymane du 13, tafadali. Wa alaykoum salam. J'ai un mois de ramadan à rattraper car j'étais en période de logis. Mais aujourd'hui, je ne peux pas rattraper car j'allaite. Naam. Où est la question, inshallah? Que dois-je faire? Naam. Quand quelqu'un a des, ce qu'on appelle dain, dain du ramadan, par exemple, comme la femme qui doit rattraper les jours où elle a mangé, etc., il faut ne pas laisser le prochain ramadan arriver. Il faut ne pas laisser le prochain ramadan arriver. Car Aïcha radiallahu ta'ala a dit, كَنَا يَكُونُ عَلَيَا دَيْنُ مِنْ رَمَضَانَ فَلَا أَقْضِهِ إِلَّا فِي شَعْبَانَ. Ça veut dire, les ulama ont dit, que Aïcha radiallahu ta'ala a dit, j'avais du dain, dain c'est du crédit, c'est-à-dire crédit en jeûne. J'avais des crédits sur mon dos, et je ne les faisais pas que au dernier mois, ça veut dire Sha'ban. Sha'ban c'est le dernier mois, après c'est Ramadan. Les ulama ont dit, donc voilà une preuve que si le Ramadan, le dain, le crédit, si on pouvait le faire après Sha'ban, Aïcha n'aurait pas dit ce hadith. Pourquoi elle a dit cela? Pour montrer qu'on ne peut pas faire. Yani, le maximum c'est quoi? Le maximum c'est le Ramadan. Le maximum c'est Sha'ban, pardon. Ensuite, les ulama ont dit, comme Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah a dit, mais si maintenant il n'y a aucune solution, ça veut dire quand par exemple elle tombe malade ou la lettre elle ne peut pas, etc., celle-là, Inch'Allah, elle est ma'doura. Elle le fait juste après le Ramadan. Celle-là, juste le Ramadan se termine. Elle commence par quoi? Elle commence par le Ramadan avant de commencer les 6 jours. Avant de commencer les 6 jours de la Nafila, elle commence par le Ramadan, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, il y a une petite, un petit avantage, c'est que certains croient que si une femme, par exemple, fait passer ses dettes jusqu'à l'autre Ramadan, et elle les fait après l'autre Ramadan, certains disent que le jour où elle fait le jour de la dette, elle doit en même temps faire sortir un peu d'argent. Ça s'appelle fidya. C'est-à-dire, elle fait le jeûne, elle fait le rattrapage, et avec chaque jour, elle fait sortir un peu d'argent. Mais le ulama, les vrais, le muhaqqiqoun, on dit ça, ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai. Il n'y a aucun dalil, aucun hadith. Aucun dalil, aucun hadith. Donc, ce que tu fais seulement, c'est que tu rattrapes seulement les jours qui sont perdus. Tu rattrapes seulement les jours qui sont perdus. Wallahu ta'ala a'lam. Saïd 91. Barakallahu fik. Naam, j'ai compris, car tu peux pas, on m'a dit que je devais nourrir 25, car je ne peux pas rattraper. Je n'ai pas compris maintenant, Oum Suleiman, tu ne peux pas rattraper, c'est-à-dire même après le Ramadan, voilà ce que je veux dire. Tu ne peux pas rattraper même après le Ramadan, même après 2 mois, même après 3 mois, tu ne peux pas le rattraper. Si tu peux rattraper après le Ramadan, tu rattrapes après le Ramadan. Si tu peux avant, tu le rattrapes avant. Si tu peux après 2 mois, après le Ramadan 2 mois, après 6 mois. Mais si tu ne peux pas, là, tu dois faire manger pour chaque jour, tu fais manger un miskin, un pauvre. Ensuite, Salamu alaykoum, alaykoum salam. Pouvons-nous prendre des photos et les garder dans un album bien fermé? Et pour les caméras? Wallah, c'est une question un peu difficile. Pourquoi? Parce que les ulama ont beaucoup divergé sur cela. La plupart, je te dis ce que disent la plupart. La plupart, pour les photos, ne sont pas d'accord. La plupart disent que tu ne prends la photo que quand c'est obligatoire, par exemple, pour la carte d'identité, etc. La plupart disent comme ça. Al-Bani, Cheikh Ibn Uthaymeen, les autres. Seulement pour les caméras, ils ont dit que c'est moins grave si c'est quelque chose, par exemple, de direct, en direct. Par exemple, je donne un exemple. Par exemple, quelqu'un me filme maintenant et par exemple, on me voit dans un autre pays ou là. Je suis en direct. Pourtant, c'est la caméra qui joue ici, mais je suis en direct. Ceux-là, ils ont dit, c'est pas grave. Et d'autres aussi ont dit, même si c'est pas en direct, c'est en différé, mais si c'est pour quelque chose qui fait quelque chose de bien, par exemple, comme Cheikh Ibn Uthaymeen, il a des doses en vidéo. Pourquoi? Parce que Cheikh Ibn Uthaymeen ne va pas s'asseoir pour jouer, pour rire et pour plaisanter. Il va s'asseoir pour que parler du din, parler des choses qui rapprochent d'Allah. Donc c'est quelque chose que Allah Azza wa Jalla aime. Maintenant, quatrièmement, c'est quand on filme avec la famille, etc. Ça, il y a des divergences. Et moi, tant que je peux ne pas le faire, je ne le fais pas. Tant que je peux ne pas le faire, je ne le fais pas. Wallahu ta'ala, c'est une question difficile, comme je viens de te dire. Barakallahu fik. Ummu Hajar, tafaddali. Mouhajar, attends une seconde, je vais chercher des lunettes un peu plus grosses, car celles que je mets maintenant ne voient difficilement. Je vais voir chez les voisins s'ils ont des lunettes. D'accord. Qui a le plus de mérite ou de récompense entre le riche qui dépense dans la santé d'Allah et le pauvre? Qui a le plus de mérite ou de récompense entre le riche qui dépense dans la santé d'Allah et le pauvre? Bien sûr, le pauvre, c'est sûr que lui, il a beaucoup plus besoin d'argent que le riche. C'est en ce sens que quand il donne, c'est pas comme le riche. Le pauvre, quand il te donne, peut-être qu'il va pas manger, peut-être qu'il va pas acheter beaucoup d'autres choses, il va s'en priver pour donner. En ce sens, il a fait ce que je disais tout à l'heure, il a fait le djihad. Il a donné. Celui-là, en ce sens, il a beaucoup plus de hajj que le riche. Mais le riche aussi, a beaucoup de hajj quand il donne, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, ni'mal malu salih li rajul salih. Ni'mal malu salih li rajul salih. Yani, si quelqu'un, c'est un pieux, etc., il a de l'argent, masha'Allah. Parce que le pieux, quand il a de l'argent, ça veut dire qu'il va les mettre où? Il va les mettre dans les mosquées, il va les mettre dans le Coran, etc. L'autre, il va les mettre dans les boissons et dans l'alcool et dans la drogue. Et il va les mettre dans le yani, ce que Allah Azza wa Jalla aime. Donc le riche aussi aura beaucoup d'ajr, en ce sens que quoi? En ce sens que il va beaucoup aider à l'islam. Le pauvre, il peut jamais construire une mosquée. Le maximum, il donne 20 euros, là je ne sais pas. Moi je vous parle beaucoup d'euros, entre parenthèses, je ne sais même pas combien ça vaut. C'est pour ça, des fois je dis 10, des fois je dis 1000, et je ne sais pas si c'est beaucoup, si c'est peu. Mais le riche aura, inchallah, beaucoup d'ajr. Pourquoi? Parce qu'il peut construire des mosquées. Il peut construire des hôpitaux, il peut construire. En ce sens, Inch'Allah Ta'ala, il aura beaucoup de ajr à cause de ce qu'il fait. Le riche a beaucoup d'ajr à cause de ce qu'il fait, et le pauvre aura beaucoup d'ajr à cause du djihad qu'il fait. Du djihad, yani, quand un pauvre donne, yani, c'est un djihad à cause du sacrifice. Le pauvre aura de l'ajr à cause du sacrifice. Le riche aura de l'ajr à cause de ce qu'il a fait construire et ce qu'il a fait, yani, ce qu'il n'y avait pas, il est maintenant, il existe. Tfadlal, même encore, Samira 34. 2 euros, c'est à peu près 10 riels. Même 10 riels, je ne comprends pas beaucoup. Même 2 euros, même 10 riels, je ne comprends pas beaucoup. Je comprenais si c'était en algérien ou là en couétien. Mais Diriel, c'est saoudi, je ne sais pas exactement. Samira dit, salam alaikum, salam ala. Est-ce qu'une personne qui possède ces symptômes est obligatoirement atteinte de la sorcellerie? Maux ou douleurs sans explication médicale. Envie de s'isoler et de ne pas se mélanger avec les gens. Ne pas dormir la nuit ou bien dormir beaucoup. Le manque de concentration quand on parle. Pleurer. J'ai pas pleuré quand quelqu'un nous récite le Coran, surtout quand c'est des versets qui parlent de sorcellerie. Avoir la chair de poule ou des tremblements dans le cœur avec une peur, surtout quand quelqu'un nous récite le Coran, avec avoir la fainéantise de faire la prière ou d'invoquer. Je vois que cette personne qui a ses symptômes, je vois, Allah Ta'ala alam, qu'à 90% elle a de la sorcellerie. À 90%, elle a de la sorcellerie. Car beaucoup de symptômes de la sorcellerie existent chez cette personne. C'est pour ça que je conseille à cette personne de faire, Inch'Allah Ta'ala, de faire quoi? De faire la ruqya. Car la sorcellerie, il y a plusieurs sortes. Il y a celles qui font comme ce que tu viens de dire. Il y a celles qui rendent quelqu'un très très paresseux. Très très paresseux. Quelqu'un, il y a celle qui fait de quelqu'un qui s'isole. Il n'aime plus les gens. La sorcellerie qui fait de ne plus aimer quelqu'un. On déteste sa femme et la femme déteste son mari. Il y a la sorcellerie qui fait le contraire pour aimer quelqu'un. Il y a la sorcellerie qu'on fait pour que quelqu'un ne puisse rien faire avec sa femme. Il y a la sorcellerie qu'on fait à la femme pour que l'homme ne puisse rien faire avec elle. Et il y a le shaitan a fait beaucoup beaucoup de sortes de sorcellerie. Comment peut-on faire pour la ruqya? Pour la ruqya, la meilleure des ruqya bien sûr, c'est celui qui se fait la ruqya lui-même. La meilleure des ruqya bien sûr, c'est celui qui fait la ruqya lui-même. La ruqya lui-même, comment qu'elle commence? Elle commence par la personne doit faire des efforts pour apprendre l'aqidah. Quand la aqidah commence à s'ancrer dans le cœur, la vraie, la sorcellerie, le shaitan ne peut pas influencer beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il influence quand le cœur est faible. Mais quand le cœur, la aqidah est ancrée à l'intérieur, son influence commence à faiblir jusqu'à ce qu'elle parte. C'est pour ça que quand quelqu'un commence à la aqida à apprendre et commence à talab l'ilm et commence à devenir multazim en ce sens, c'est déjà à 70% il a commencé à guérir à 70%. Ensuite il cherche quelqu'un qui est un salafi, qui connaît bien la ruqya, quelqu'un qui touche pas les femmes quand il fait la ruqya, quelqu'un qui pose pas la tête sa main sur la tête de la femme pour dire, quelqu'un qui reste en face d'elle et elle avec son mahram, son frère, etc. Et il commence à lire comme ça, et à 80-90% celle qui a les symptômes dont je viens de lire, elle va tomber par terre, elle va tomber évanouie. Ensuite Inch'Allah Ta'ala, yani Allah Azza wa Jal fera venir Inch'Allah Ta'ala la guérison. Cheikh, est-ce que c'est vrai qu'une raison de personne soit guérie de la sorcellerie, c'est le fait de résider dans Bilad Kufr? Je n'ai jamais entendu ça. C'est la première fois que j'entends cela. Kiki Barakallah, il ne faut pas, pour Samira, il ne faut pas, je ne sais pas comment on dit, il ne faut pas enseigner l'abbihadil au moins. Parce que c'est ma vie qui est en jeu. C'est ma vie qui est en jeu. La sorcellerie peut faire de sorte que l'insane jouer, voilà, je joue pas, je néglige pas ces choses-là. La sorcellerie peut me changer toute ma vie, peut me jusqu'à ce que je me suicide. Donc la sorcellerie est là, et le sorcier, il faut le combattre. La Zawjil a dit, وَلَا يُفْلِحُ السَّحِرُ حَيْتُ أَتَى. Et le sorcier ne triomphe jamais. Dès que tu commences, Allah, la ruqya, tu commences les doros, tu vas voir qu'il va faiblir jusqu'à qu'il ne soit plus ça, ce qui n'existe plus. Il ne faut pas que tu prennes ça à la légère. Comme a dit Akhuna Ilyas Abu Anas. Barakallahu fikum. L'Ukhtlaïla 92. Tafadlali, barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un jour j'ai aperçu un bébé avec une main de Fatma assez grosse que sa mère avait accroché sur son cou. Ça m'a vraiment énervé, sachant que c'est du shirk. Naam. J'ai voulu lui dire à la mère, mais je n'ai pas pu parce qu'elle est beaucoup attachée aux traditions du bled. Est-ce qu'on commet un péché? Si oui, la prochaine fois je ne viens pas de lui dire para que Allah vous récompense pour vous nous consacrer. Barakallahu fiki, Ukht Layla. En principe, pour dire quelque chose, voilà, on essaye de trouver le moment opportun. Le moment opportun, parce que c'est pas dans tous les moments que la personne va accepter. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, a dit dans un hadith rapporté par le Bukhari, il a dit, je voulais poser une question à Omar ibn Khattab. J'ai attendu une année pour la lui poser. Parce que c'est pas facile comme ça de dire ce qu'on veut. C'est pas facile. Il faut attendre le moment opportun. Mais plus on a d'intelligence, et plus Allah Azza wa Jalla, on a d'ilm dans la science, et plus Allah Azza wa Jalla nous guide et nous aide, plus la tâche devient difficile. Quand on n'a pas maintenant, on n'a pas par exemple, on n'a pas l'occasion, des fois nous, on peut faire venir l'occasion. Nous, on peut faire venir l'occasion. Ça veut dire, yani, c'est comme si c'était une question par exemple. Oh, qu'est-ce qu'il a fait là sur le coup? Ah, les khamsa, moi je croyais, par exemple, je croyais autre chose. Ah, Allah, yani, doucement, yani, avec rikma. Allah, yani, yani, c'est parce que je t'aime que je te dis cela. C'est parce que je t'aime que je te dis cela. Allah, le khamsa a dit, yani, préférence, il ne faut pas la mettre, c'est du chef, etc. Yani, y a des façons comment rentrer dans le sujet indirectement. Mais toi, inshallah ta'ala, non, si c'est une femme de la famille ou là, et que tu peux lui dire, inshallah, tu te rattrapes, la prochaine fois quand tu la rencontres, tu essayes de venir comme ça, yani, indirectement, jusqu'à ce que tu viennes au sujet. Et si tu lui dis, inshallah ta'ala, tu as un ajr très très grand, car il n'y a pas quelqu'un qui aura un ajr comme celui qui combat le shirk. Inshallah ta'ala, tu lui proposes meilleur que la main. Naam, tu peux lui proposer, si tu veux, quelque chose qui est meilleur que la main. Inch'Allah ta'ala. Yes, Abu Anas, tafaddal. Barakallahu fik. Salamu alaikum wa rahmatullah. Un enseignant qui fait des cours dans une classe de filles dont beaucoup d'entre elles ne portent pas le hijab, lui est-il permis d'enseigner malgré ses conditions? Et si la réponse est non, son salaire est-il haram ou halal? Wa jazakallahu khair. Je répète, un enseignant qui fait des cours dans une classe de filles dont beaucoup d'entre elles ne portent pas le hijab, lui est-il permis d'enseigner malgré ses conditions? Et si la réponse est non, son salaire est-il haram ou halal? Wa jazakallahu khair. C'est une question difficile, Wallah, c'est une question difficile. C'est une question difficile, car en principe, quelqu'un ne devait pas enseigner quand c'est seulement des filles comme ça. Ne devait pas enseigner. Mais on voit que même, là maintenant, des grands al-ilm, etc., qui, par exemple, à la faculté d'agir, faculté de la charia, par exemple, il fait des doros. Yani dans des salles, il fait aux filles, parce que c'est pas lui qui choisit. On te donne un programme, soit tu tombes avec des filles, demain avec les hommes, le lendemain après des filles, etc. C'est un programme, emploi du temps, que des fois on est obligé de suivre. Maintenant, quand ce sont les femmes elles-mêmes qui portent pas le hijab, etc., Ahuna, peut-être ça diffère un peu, mais je ne peux pas lui dire que son salaire est haram. Je ne peux pas lui dire que son salaire est haram. Je ne sais pas, peut-être qu'il n'a pas trouvé d'autre travail. Peut-être qu'il est, en train de chercher un autre travail. Je ne sais pas. C'est pour ça que je ne peux pas lui dire que son travail est haram. Ça, c'est un peu difficile. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Je n'ai pas plus que ça, Akhi Abu Anas. Abu Muhammad tafaddal. كيف بارك الله أخي أبو أنس كيف بارك الله أبو محمد تفضل Est-ce qu'il y a du son? Inch'Allah. Salam alaykoum, Yachir. J'avais une question, Inch'Allah. Jazakoum la khaira. J'avais une question, Inch'Allah. C'est par rapport à tous les animaux qu'on trouve morts, qui sortent de la mer. Est-ce que tous les animaux qui sortent de la mer, que ce soit du poisson à à toutes sortes, est-ce qu'il est halal à manger si on le trouve mort? Autrement, est-ce qu'il y a des sortes où le prophète Hassim nous a interdit quelques sortes ou barakallahu fikoum? Fika barakallah. Tout ce qui sort de la mer est mangeable. Tout ce qui sort de la mer est mangeable. Même, sauf, pardon, j'ai dit même, sauf si l'animal ou le poisson qu'on a trouvé, bien sûr, il a par exemple une odeur. Dans ce sens, on ne mange pas. C'est pas parce qu'il est haram, mais parce que, yani, maintenant il a une odeur, ça veut dire que il a changé d'odeur. Si on le mange, on va tomber malade ou là on va mourir. C'est un poison. Voilà, c'est répugnant. Et si c'est répugnant, c'est que yani, c'est très mauvais pour la santé. Dans ce sens, on ne le mange pas. Peut-être ça devient haram parce qu'on veut nous tuer. Hein. Je vais me tuer, je vais manger du poison. En ce sens. Mais le poisson lui-même, tout ce qu'il y a dans la mer est halal. Tout ce qu'il y a dans la mer est halal. Au point où Cheikh Ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah a ajouté que même les choses qui sont dans le lac, les choses qui sont dans le lac, il a dit la mer, c'est pas seulement la mer al-bahr. Il a dit même le lac qui va à la mer. Il a dit par exemple le timsah, le crocodile. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit le crocodile, on peut le manger. Pourquoi? En fin de compte, le crocodile, il peut aussi vivre dans la mer. Il peut aussi vivre dans la mer. On a vu plusieurs fois le crocodile dans la mer. Voilà ce que je voulais te dire. Il n'y a rien qui est interdit des choses qui sont de la mer. Sauf si tu ne veux pas manger des choses parce que, par exemple, tu trouves que c'est répugnant ou là, tu ne veux pas manger, par exemple, je ne sais pas, il y a certains qui ne mangent pas, par exemple, la murène. Il y a d'autres qui ne mangent pas le crabe. Tu ne veux pas le manger, il ne mange pas. Mais il ne peut pas dire que c'est haram. Ibn Abdallah, tafadhal. Ibn Abdallah al-Maghribi, sur quelle preuve? Non, je crois qu'il y a quelque chose avant. Question sur l'aura. Non. Sur quelle preuve? Je voulais arrêter à 1h, je vois qu'il est déjà 1h. Je pensais que c'était encore loin, 1h du matin. Il est déjà 1h du matin. Sur quelle preuve et quel hadith se basent les savants pour penser qu'il est permis de laisser ses cuisses découvertes? Barakallahu fik, cher. Les savants se sont basés sur le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait les cuisses un peu découvertes. Omar est rentré, radiallahu ta'ala, non, il ne s'est pas couvert. Abu Bakr avant lui est rentré, il ne s'est pas couvert. Ensuite, quand Othman est rentré, il s'est couvert. Ils ont dit, donc il s'est couvert, c'est pas parce que c'est haram, mais à cause que Othman, radiallahu ta'ala, a honte des anges. Le prophète, et les anges ont honte de lui. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a respecté en ce sens. Ils ont dit, alors pourquoi lui, sallallahu alayhi wa sallam, a-t-il laissé ses cuisses, ou bien une partie de ses cuisses découvertes, si c'était interdit. Et les ulama disent que nous, l'ibra bimada bil qawl, laysa bil fi'l. Idha ta'arada al qawl wal fi'l, wa lam yakun hunaka wajh lil jam' baynahuma, qaddamna al qawl 'ala al fi'l, li'anna al qawl khitabun lil umma. Li'anna al qawl khitabun lil umma, amma al fi'l faqad tadkhulu al ihtimalat. Les ulama usul fiqh, c'est une matière très importante que tout le monde devrait apprendre pour être un vrai talibel. Si tu n'as pas usul fiqh, tu ne peux jamais être talibel. Tu n'as pas usul fiqh, tu n'as pas le qawaid al-fiqhiyya, ni ilm al-hadith, ni rien, tu n'es pas talibel. Tu es ce qu'on appelle un wa'ev. Tu fais les rappels, tu t'assois, tu dis, il y a le paradis, il y a l'enfer, faites la prière, faites le jeûne, et ça s'arrête là. Ça s'appelle un wa'ev. Ou bien, le qas, au sas. Tu veux être talib ilm, l'aqida, usul fiqh, l'ura arabiya, avec des choses, ça s'appelle l'ilm ulum al-ala. Ce sont des choses avec lesquelles tu vas comprendre. Ce sont les matières clés, qui sont des clés. Ce sont des clés avec lesquelles tu vas ouvrir de grandes portes, d'immenses portes. Bon, je reviens à ce qu'on disait. Alors, ils ont dit, ici on a un hadith qui dit que le prophète a montré ses cuisses, une partie de ses cuisses, un hadith où le prophète a dit, cache ta cuisse, a dit à quelqu'un, cache ta cuisse. Ne situe pas que la cuisse est une aura, rappelle ta khidak. Il a demandé à quelqu'un de cacher sa cuisse. Alors, puisqu'il y a une sorte de contradiction, il n'y a pas de contradiction, entre le fait que lui, sallallahu alayhi wa sallam, est montré et le fait qu'il ait dit de cacher, les ulama ont dit, quand il y a quelque chose comme ça, on prend avec quoi? On prend avec ce qu'il a dit et non pas avec ce qu'il a fait. Parce que quand il dit quelque chose, il le dit pour nous, nous on est obligé de le faire. Maintenant, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré quelque chose de sa cuisse, peut-être que, pour lui c'est permis. N'y a-t-il pas des choses qui sont interdites pour nous et qui passent pour lui? Je peux me marier moi avec 5 ou 6 femmes? Je ne peux pas. Et lui, il peut la faire. Non, c'est ce que je veux dire. Moi, je peux rester seul avec une femme? Je ne peux pas. Le prophète Hassan peut. Il allait chez Om Souleym, il faisait la sieste. Une femme peut me toucher mes cheveux? Elle ne peut pas. Om Souleym lui touchait ses cheveux et cherchait s'il avait des poux, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa tête. Il y a beaucoup de choses que donc lui il peut faire et moi je peux pas faire. C'est en ce sens que les ulama disent, quand il y a une contradiction entre son acte sallallahu alayhi wa sallam et sa parole, on prend avec sa parole. J'ai dit contradiction en arabe, on dit ta'arud, c'est pas tanaqud, ta'arud. Il y a une différence entre tanaqud. Il n'y a jamais de contradiction entre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien un hadith ou un verset. Il y a ta'arud, yani, c'est pas contradiction, c'est yani, ils ne se rencontrent pas. Ils ne peuvent pas se rencontrer ces deux hadiths. Hein, ta'arud, bien sûr, le ta'arud existe à notre niveau, parce que nous sommes des ignorants et des juhals, c'est tout, c'est à notre niveau. Mais les ulama trouvent toujours la solution. Wallahu ta'ala a'lam. Muhammad 0504, tafadhal barakallahu fik. Sont pas compatibles, voilà, sont pas compatibles, barakallahu fik. Sont pas compatibles. Naam. Donc, Abdullah ibn Abdullah, inshallah ta'ala, nous, on cache nos cuisses bi'idhnillah, subhanahu azza wa jal. Tafadhal Muhammad 54. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce qu'il existe des doigts à faire après avoir lu un morceau du Coran? Est-ce que quand on lit quelque chose du Coran, il y a des doigts à faire? Naam, c'est une bonne question. Quand on lit le doigt, pardon, quand on lit le Coran, il n'y a aucun doigt à faire. Il n'y a aucun doigt à faire. Tu lis le Coran, tu t'arrêtes, tu fermes le Coran. Tu ne dis même pas Sadaqallah al-Azim. Si tu dis Sadaqallah al-Azim, tu as fait une bida. Tu ne dis rien. Tu termines le Coran, tu le fermes et tu le poses dans un endroit propre et tu vas au travail, Inch'Allah ta'ala. Il n'y a aucun doua à faire. Il y a seulement Anas radiallahu ta'ala qui, quand il terminait tout le Coran, joignait ses fils et faisait un doua. Et pourtant, beaucoup de ulama n'ont pas été d'accord avec ce qu'il a fait radiallahu ta'ala anhu. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais été prouvé que lorsqu'il lisait le Coran, il faisait un doua. Wallahu ta'ala a'lam. Qu'est-ce que tu as fait mal? Wa alaykum salam wa rahmatullah. J'aimerais savoir, est-ce une bid'a de lire la fatiha sur la tombe d'un mort ou pour un mort plus généralement, sachant qu'il y a une doua appropriée pour cela? J'aimerais savoir si c'est une bida de lire la fatiha sur la tombe d'un mort ou pour un mort. Naam, Firdaus ou la Firdaus ou quelque chose comme ça, lire la fatiha sur la tombe d'un mort ou pour un mort, c'est une bida, comme tu as dit. Naam, tu l'as bien dit, c'est une bida. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait cela. La fatiha, elle s'appelle fatiha d'ailleurs parce qu'elle ouvre, yiftah, comme la clé, miftah. Qu'est-ce qu'elle ouvre? Elle ouvre la salat. La salata di man lam yiqra bi umm al-kitab. Le prophète alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de salat pour quelqu'un qui ne lit pas avec la fatiha. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas donc ouvert la salat. Il a dit, Allahu Akbar, Qul huwa Allah wahad Allahu samad. Il n'a pas de salat. Il n'a pas ouvert la salat. La salat ça s'ouvre avec la fatiha. Donc la fatiha ouvre la salat seulement. Elle n'ouvre pas le mariage. On ne la dit pas quand on fait le mariage. Et elle ne se fait pas sur la tombe ni quand on lit un mort qui est déjà mort. Le mort, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui fait des du'as. On lui fait des du'as. Allahumma ghfir lahu warhamhu wazid fi hasanatihi wa tajawaz an siyatihi wa qihi 'adab an-nar wa adkhilhu jannatak warda anhu et ainsi de suite. Wa a'inhu wa kun lahu. Comme ça, on lui fait des du'as. C'est pas on va lire le Fatiha ou là on va lire le Coran, car le Coran a été descendu pour que le mort aide à lui-même, pour qu'il le lise et l'applique avant de mourir. Maintenant, s'il ne l'a pas fait lui, on ne peut pas le faire à sa place. Wallahu ta'ala a'lam. Abu Abdurrahman, ta fadwal. En ce qui concerne... J'aimerais savoir non. Quel acte est méritoire d'un vivant pour un mort. Naam, pour un mort, par exemple, si tu lui fais des doigts, par exemple, si tu fais sortir un peu d'argent avec l'intention que ça soit pour lui. Dans ton cœur, tu dis, je vais faire l'aumône pour X, pas pour moi. Maintenant, moi, Inch'Allah Ta'ala, moi, par exemple, Inch'Allah Ta'ala, jeudi ou le vendredi, Inch'Allah, je vais aller à la Umrah. Je ne vais pas aller avec l'intention que c'est pour moi. Je vais aller avec l'intention que c'est pour ma grand-mère. Pourquoi? Parce que c'est elle qui m'a élevé. Elle est morte. Elle n'est pas allée ni à Hajj ni à Umrah. Donc, Inch'Allah, vendredi, je vais partir avec l'intention que c'est pour elle. Voilà, si tu peux faire quelque chose, donner de l'argent là pour quelqu'un, Inch'Allah Ta'ala, cette chose arrivera. Tu fais de l'aumône, tu fais un doua, ce sont des choses, Inch'Allah Ta'ala, qui arrivent pour le mayyit. Et il y a toutes les choses que Allah Azza wa Jalla aime. Mais c'est pas, par exemple, lire le Coran pour un mort. Même quand tu passes, certains lisent le Coran, ils disent, par exemple, je vais lire deux ou trois pages du Coran pour le mort. Ça, les ulama ont dit, les salafs n'ont pas fait cela. Les salafs n'ont pas fait cela. De préférence, tu sors un peu d'argent, par exemple, tu sors un peu d'argent, ou bien tu fais une sadara, ce qu'on appelle une sadara, ou bien tu achètes un Coran, tu le laisses à la mosquée, tu dis dans ton cœur que ce Coran, c'est pour X, c'est pas pour moi, etc. Wallahu ta'ala alam. Abu Abdurrahman, tafadhal. J'avais pas vu ta question. A-t-on le droit d'acheter dans une boucherie où les gens doutent le caractère halal de la viande, mais le boucher dit que c'est halal et il a une enseigne halal? Naam, si tu doutes, tu veux t'éloigner des machakils, tu n'achètes pas, mais tu dis pas aux gens de ne pas acheter. Tu dis pas aux gens de ne pas acheter. En principe, quand c'est quelqu'un qui dit c'est halal, et lui, par exemple, c'est un croyant, par exemple, c'est un musulman, en principe, on ne cherche pas beaucoup plus loin. On n'essaye pas, de rentrer dans le Ouest. Il suffit qu'il m'a dit c'est halal, khalas. Si demain c'est pas halal, c'est lui qui va rentrer en enfer. Parce qu'il m'a dit c'est halal, en plus c'est un musulman, Adam. Un kafir, peut-être qu'il joue, bien sûr. Mais c'est un musulman, il a dit halal. Allez, moi je vais manger, je dis bismillah, et lui demain, on va voir si c'est halal. Alhamdoulilah, si c'est haram, c'est lui qui va payer, et ce n'est pas moi. Maintenant, si ton cœur ne te laisse pas, tu as des doutes, éloigne-toi, c'est mieux comme ça. Quand tu vas acheter chez un autre, tu seras, Inch'Allah Ta'ala, satisfait, et tu ne vas pas faire le ouswas. Pourquoi j'ai mangé, peut-être c'est haram, peut-être c'est, etc., etc. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abu Mu'ad, tafadhal. Abu Mohamed, salam alaikum. Je t'ai arrêté juste pour rien et que qu'on perde pas beaucoup de temps parce pour te dire que je t'entends pas. J'entends un son, ta voix très très loin. Je te demande de reprendre le micro, inshallah ta'ala, d'essayer de parler un peu plus fort ou là de le réparer. Hein. Je n'entendais pas. Sinon, il y a quelqu'un qui va t'écouter et qui va reprendre le micro à ta place et parler. Ta fadwal, inshallah ta'ala, une deuxième fois. تفضل ابو محمد ستيون فيلو بوان روج ابو معاذ عفوا تفضل ستيون فيلو بوان روج parle un peu plus fort بارك الله فيك ابو معاذ ستيون فيلو بوان روج qu'est-ce qui se passe ستيون فيلو بوان روج تفضل Salam alaikum wa rahmatullah, chère, est-ce que vous m'entendez? Chère, donc je vous disais que j'ai une question concernant l'hijra et j'ai un complément d'information, si vous me le permettez, concernant la question sur la doua de la lecture du Coran du frère Mohamed 0504. Donc je vais commencer par ma question, chère, si vous me le permettez. Donc nous savons qu'il est obligatoire à tout musulman ayant la capacité et les moyens et vivant dans un pays de mécréance d'émigrer vers une terre d'islam. Cher, ma question c'est de... Est-ce que vous pouvez nous dire ce que sont les moyens et la capacité? Et si vous me le permettez, cher, j'ai un hadith rapporté par At-Tirmidhi et Ahmed qui dit qu'à chaque fois que le prophète A.S. s'asseyait pour réciter le Coran ou il accomplissait une prière, il finissait par ces paroles: Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fik cheikh. Salam alaykoum wa rahmatullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa fik barakallah. En ce qui concerne la première question, c'est un peu long et large. En principe, un musulman fait tout son possible pour ne pas rester dans un bled, dans un pays de kofre. Il est interdit à un musulman de vivre entre les milieux des kuffars parce que, premièrement, il va avoir beaucoup de haram et il ne peut rien changer. Et deuxièmement, ce qui est interdit, pourquoi? Parce que, à force de vivre dans un milieu, on commence à le ressembler. À force de vivre dans un milieu de gens qui ont un caractère par exemple spécial, on commence à quoi? À les ressembler. C'est pour ça qu'il y a un hadith sahih qui dit par exemple que les gens qui ont des moutons, etc., ce sont des gens qui ont dans le cœur, yani, ils ont la sérénité, ils ont sakina, ils ont. Et les gens qui élèvent des chameaux, etc., ce sont des gens mutakabbirim, ce sont des vantards, ce sont ceci, ce sont cela. Pourquoi? Parce que déjà le chameau a été créé du shaitan. Et dans chaque bosse, le hadith dit, il y a un shaitan. Et si tu manges du chameau, tu dois faire le wudu. Et si tu es dans un endroit où il y a chameau, tu ne peux pas faire la prière. Donc, à force d'être berger des chameaux et d'élever des chameaux, on commence à voler de leur caractère. Voler de leur caractère. C'est pour ça qu'il a dit, ce sont des vantards, etc. Tu as vu, Yanni, tu as vu un tel chameau, comment qu'il marche? Il marche en train de... C'est comme s'il est un vantard, comme s'il est en train de marcher du chemin-gum et en train de voir à droite et à gauche, laissez-moi passer. Et le mouton, tu vois, miskin, comment il baisse la tête, et il est en train de te suivre par derrière, yani, et tu le caresses, le chameau, c'est pas la même chose. Pourquoi tout cela? Parce que... Non, parce que... c'est pour ça que aussi l'islam a interdit d'avoir des chiens. Parce que le chien, plus tu l'as, plus tu t'habitues à lui, tu prends de son caractère, de sa saleté, hein, comme là, je vois des gens qui embrassent le chien par la bouche. La hawla wa la quwata illa billah. Il aime son chien, il l'embrasse par la bouche. La hawla wa la quwata illa billah al-ali al-azim. C'est pour ça que les ulama ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, regarde par exemple, le kafir qui a vécu parmi les musulmans, il est plus facile à ce que tu lui fasses la da'wah. D'ailleurs, beaucoup de kafirs qui vivaient entre les musulmans, on finit par dire Ashhadu la ilaha illallah, Ashhadu Muhammad Abdu Rasulullah. Et regarde le musulman qui vit parmi les kuffar, comment qu'il est difficile de lui parler à la da'wah. Il sert pourquoi? Parce que petit à petit il a commencé à le ressembler. Toi, tu vois bien dans les pays de kuffar, il y a des musulmans qui n'ont aucun rapport avec l'islam. Des musulmans qui ils ne veulent même pas de l'islam en parler de lui. Khlas, celui-là c'est un français, celui-là c'est un japonais, celui-là, khlas, il a yani tout oublié son islam. Donc, chaque frère et chaque soeur, inshallah ta'ala, il faut qu'il mette le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, la cause d'Allah entre ses yeux, pour qu'il essaye de faire la hijra, surtout l'akhawat, surtout les soeurs qui ne sont pas mariées, elles cherchent quelqu'un dans un pays arabe, dans un pays musulman, et elles partent là-bas, surtout, c'est grave pour quelqu'un, comme j'ai dit, qui meurt dans un pays de kofre, c'est difficile. C'est pour ça que j'ai dit le sujet était un peu long. Non, et là, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous aide tous pour que vous fassiez ce que Allah azza wa jalla aime et que vous quittiez le pays dès que l'occasion, inshallah ta'ala, se présente. Mais, celui qui peut faire la hijra ne pourra la faire que celui qui l'a fait en la cause d'Allah. C'est-à-dire, celui qui va là-bas ne commence pas à dire pourquoi ici il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup la Mecque. Mais quand il a fait la hajra, il n'est jamais revenu. C'est pour ça que même quand tu vends quelque chose, les ulama, le hadith dit, tu vends quelque chose, par exemple, tu donnes quelque chose à la cause d'Allah, tu n'as jamais le droit de la faire revenir. Même en l'achetant, c'est interdit. Parce que tu as fait sortir une chose pour la cause d'Allah. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a même pas voulu revenir à la Mecque alors qu'il l'aimait. Pourquoi? Il l'a quitté en la cause d'Allah. Quand tu quittes quelque chose en la cause d'Allah, tu ne vas pas dans le pays musulman, tu commences à dire, ici il n'y a pas le yaourt, ici il n'y a pas, etc. J'étais bien là-bas, j'y avais tout, etc. Non. Tu as fait ça à cause d'Allah, tu te tais, et tu attends que la zone va te donner un ajr immense, immense, immense, parce que tu as fait quelque chose de difficile, tu as lâché, tu as laissé des choses que tu aimais, tu as laissé la belle paye, tu as laissé la belle maison, la belle voiture, etc. Donc, il ne faut pas trop parler pour ne pas annuler cela. C'est pour ça que certains sont partis et sont revenus. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient que la hijra, tu pars, tu trouves tout là-bas. Non, tu ne trouves pas tout là-bas. Tu ne trouves pas. Ceux qui ont fait la hijra à l'époque du prophète, ils sont partis en Éthiopie. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils n'ont rien trouvé. Même pas de quoi manger. Mais ils l'ont fait à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le but de la... tu avais dit aussi quelque chose en ce qui concerne... le prophète ne disait pas quand il terminait le Coran cela, ton dua subhanak lahum wa bihamdik shadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, mais il le disait après chaque jilsa, quand il s'assoit avec des gens ou là il s'assoit avec un groupe, il termine toujours par subhanak lahum wa bihamdik shadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Attention, une assemblée. Attention, ce dua c'est pas pour terminer le Coran. Ce dua c'est pour l'assemblée. Quand on s'assoit, on peut dire n'importe quoi, on peut dire des fautes, on peut se tromper, on peut mille choses. Donc, l'Azawajal t'a donné une solution. Il t'a dit, dis ce dua, et tout ce que tu as dit dans l'assemblée, Inch'Allah ta'ala, je vais te le pardonner. Voilà, il faut bien faire la différence. Wallahu ta'ala alam. Le but de la vie, tafadhal ou tafadhali. Le but de la vie, salam alaykoum, peut-on serrer la main d'une femme? Oui, tu peux serrer la main d'une femme. Tu peux serrer la main d'une femme si tu es une femme. Le but de la vie, je ne sais pas, tu es un homme ou une femme. Si tu es une femme, alhamdoulilah, tu peux serrer la main d'une femme. Si tu es un homme. Si tu es un homme, tu serres la main de ta femme. Tu serres la main de ta femme, de ta mère, de ta soeur, de ta tante, de ta grand-mère, et de Khaltek, c'est ta tante, Inch'Allah ta'ala, tu serres leur main et tu n'enlèves pas ta main de leur main. Mais les autres, Inch'Allah ta'ala, c'est haram. Toute femme avec laquelle tu peux te marier, tu n'as pas le droit de lui serrer la main. Seulement, il faut apprendre aux gens. C'est pas comme ça, c'est difficile un peu de brusquer. Il faut apprendre les gens que moi, par exemple, je ne fais pas, etc., ces choses-là. Je donne un exemple, là, exemple très simple. Bien sûr, il y a un hadith sahih qui le dit. Il y a un hadith sahih, il est dans le livre de Sahih, le livre que j'ai lu aujourd'hui, Sahih al-Albani. Il est dans ce livre, ou bien ce tome, ou bien le deuxième tome, où il dit que si on te faisait choisir entre, on te frappe avec une grande aiguille. Tu connais l'aiguille là, il y a la grande aiguille qui fait presque un demi-mètre. On te frappe à la tête, on te fait couler du sang, mieux que yani, tu touches la main d'une femme. Un clou peut-être. Il a dit machet. Machet, c'est une aiguille avec laquelle on coud. Mais il y a de grandes aiguilles. Je voyais, moi, quand j'étais jeune, je voyais une grande aiguille comme ça, qui fait peut-être 10 cm ou là. Si on te frappe avec celle-là, c'est mieux que de toucher la main d'une femme, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, je voulais dire quelque chose que j'ai oublié. Je voulais dire quelque chose d'important. Peut-être en ce sens. J'ai oublié. Si elle viendra, inshallah, si elle vient, je vais la dire, inshallah ta'ala. Tafadhal, Souleyman, tafadhal, barakallahu fik. Wa alaykoum salam wa sallallahu alayhi wa sallam. Quand et comment appliquer? Qawaid fiqh. Tu parles, Souleyman, tu parles de usul fiqh ou là tu parles de qawaid fiqhiya? Usul fiqh ou bien tu parles de qawaid fiqhiya? Deuxième, qawaid fiqhiya. Qawaid fiqhiya, c'est quelque chose de très très très très important pour quelqu'un qui veut être talib al-ilm. Quelqu'un qui veut rester simple, bien sûr, c'est pas la peine qu'il lise ces choses, c'est un peu difficile pour lui. Et quelqu'un qui aspire à être talib al-ilm ou bien talibat al-ilm, si elle n'apprend pas au sol fiqh et qawaid fiqhiya, c'est qu'elle ne pourra jamais être un vrai ou une vraie talibat al-ilm. En fait, les ulama ont dit من حرم الوصول حرم الوصول من حرم الوصول حرم الوصول. C'est-à-dire quiconque n'a pas étudié usul fiqh, il n'arrivera pas. حرم الوصول من حرم الوصول حرم الوصول. Je voulais dire ça c'est قلت القواعد الفقهية, c'est un peu difficile. Comment يعني, ça a besoin de cours, c'est quelque chose de très important, et c'est spécialement, comme j'avais dit, pour les talibou wa talibatul ilm, inshallah ta'ala. C'est pour ça que moi je demande à tous mes frères et mes soeurs s'ils peuvent d'essayer de devenir inshallah ta'ala talibou ilm wa talibatul ilm. C'est très très important, ça a beaucoup beaucoup de ajr indallah subhanahu wa ta'ala, parce que tu vas devenir le médiateur entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses créatures. Tu vas leur apprendre, tu vas les faire rapprocher d'Allah, tu vas les faire éloigner de Jahannam. C'est pour ça que tu auras un ajr très très grand et très très important. C'est pour ça que j'essaie au maximum de vous apprendre inshallah ta'ala yani l'islam, premièrement l'islam modéré, le vrai, pas l'islam des takfiriens et des kharijites, le vrai islam. Et deuxièmement l'islam yani où il y a le ilm, l'islam un peu yani, afin que vous ayez yani, une vision globale sur l'islam. Globale, certes, beaucoup de gens ne savent parler que dans une chose. Hein, il connaît un hadith, il vient parler de ce hadith, c'est tout. Il ne peut pas aller un peu plus loin. Moi, je ne voudrais pas vous dire la chose suivante, mais il faut que je la dise. Mal à sef, j'entends beaucoup de gens dire que nos frères et nos soeurs en Europe, yani, surtout en France, je m'excuse de dire ce que je veux dire, mais c'est parce que je vous aime que je dis cela. Ils disent que, yani, wallah, en France, ils sont sincères, alhamdoulilah, ils ont beaucoup de bien dans leur cœur, etc. Mais, yani, ils n'ont pas de haine. C'est pour ça que ils font beaucoup de problèmes entre eux. Quand il y a l'ignorance, c'est les problèmes. Quand il y a le haine, il y a l'union. Pourquoi? Moi, par exemple, j'ai des dalils, etc., que cette chose se fait. L'autre, il a lu chez un grand savant, il a lu chez Ibn Uthaymin, chez Ibn Baz, que ça ne se fait pas. Donc, de quel droit, moi, je vais faire la guerre avec lui? De quel droit? De quel droit vais-je faire la guerre avec quelqu'un qui a des dalils, et quelqu'un qui lui-même est salafi, c'est pas un moubtadi, et quelqu'un qui veut Allah subhanahu wa ta'ala, il a lu ça chez de grands ulama. Maintenant, je vais faire la guerre avec lui, et je vais faire rire les gens de nous. Et au lieu de nous unir, nous, les salafistes, on va faire quoi? On va nous disperser, on va faire les gens rire de nous à cause d'une chose qui se fait et qui ne se fait pas d'après ce que tu es convaincu. Il y a des choses d'après ce que tu es convaincu. Donc, alhamdoulilah, tu n'as pas tiré ça de ta tête, tu l'as lu. Mais, en général, mal à ce, nos frères et nos sœurs, yani, surtout en France, comme je voulais le dire, yani, parce que moi j'ai connu des émigrés en Algérie qui étaient en France, qui sont des pratiquants, mashallah. Mais yani, ils ont beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que leur ilm est très restreint. Très restreint. S'ils apprennent deux ou trois hadiths, ils croient que ça y est. Ce hadith que j'ai appris, tout le monde doit l'appliquer. Je vais dans la mosquée, je vous dis, il est interdit que, par exemple, vous mettiez vos mains ici ou que vous les descendiez ou que je ne sais pas quoi. Pourquoi? Parce qu'il a lu un hadith qui a dit ceci. Ce n'est pas comme ça, bien sûr. C'est pour ça que j'ai dit plus qu'on connaît le qawaid fiqhiya, plus qu'on connaît usul fiqh, plus on connaît le maqasid sharia, plus on résout les problèmes. Et plus à chaque chose où on trouve la solution adéquate. On trouve vraiment la chose qu'il fallait, on la met là où il faut. De toute façon, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide et qu'il nous apprenne. Parce que nous sommes, en fin de compte, nous sommes des juhad. En fin de compte, nous sommes des juhad. C'est tout juste maintenant, on vient juste d'ouvrir les yeux. Moi, j'ai 50 ans passé, je viens juste d'ouvrir les yeux et de commencer à apprendre. Je viens juste d'ouvrir les yeux. Je suis un petit, pas le ben. On dit un toi le ben. Quelqu'un qui vient juste d'ouvrir les yeux. C'est pour ça que je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse apprendre. Car s'il nous aime, il va nous faire apprendre. C'est pour ça que Cheikh l'Islam a dit dans le hadith, Man yurid billahu khayran yufaqihu fi din, il a dit, si tu vois que Allah Azza wa Jalla ne t'a pas appris le din hada, il ne t'a pas fait apprendre, ça veut dire qu'il ne te veut pas du bien. Naam. Car l'argent et les palais et les belles voitures, il peut le donner au kafir comme il peut le donner aux musulmans. Bien encore, il le donne au kafir beaucoup plus qu'aux musulmans. Parce que Allah Azza wa Jalla, Adl, il est juste, il sait que ce kafir n'aura rien demain. Donc il va tout lui donner ici pour que demain il ne dise pas, Ya Allah, tu as été injuste, pourquoi celui-là rentre au paradis, moi je rentre pas. Allah Ta'ala lui dira, toi tu es rentré dans le paradis terrestre. Mon prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'avait-il pas dit, Dunya, Jannatul Kafir wa Sijnul Mu'min? Il m'a dit, Jannatul Kafir, toi tu avais le paradis en bas, tu faisais tout était halal. Tandis que mon serviteur de croyant, il était conditionné par la charia. Il ne faisait rien que, sauf ce que je permettais moi. Alors que toi, tu faisais tout ce que tu voulais, tout ce dont tes tentations le voulaient. Je sortais un peu loin, c'était une nasiha que je voulais donner à mes frères et mes sœurs pour ne pas être muta'assibin et pour apprendre bien la religion et pour essayer de yata'oussa et ne pas se renfermer, ne pas essayer d'être ouvert. Ouvert, c'est pas être meilleur. Ouvert, c'est pas aller danser. C'est pas ce que je veux dire, ouvert. Ouvert, comprendre les gens, savoir comment avoir de la hikma, savoir quand est-ce qu'on parle, quand est-ce qu'on se tait, quand est-ce qu'on rire le munkar, quand est-ce que man riyush. Des fois, quand tu ne changes pas le mal, des fois, tu as un ajr. Car si tu vas le changer pour faire venir un mal plus grand, tu as fait quelque chose de détestable que l'azur n'aime pas. Donc des fois, quand on se tait, on a un ajr. Par exemple, il y a quelque chose qui se passe. J'ai pas d'ilm, qu'est-ce que je fais? Je me tais. Je ne sais pas. Il vaut mieux que je me tais. Si tu te tais, tu as un ajr. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même ça matin, naja. Des fois, si tu te tais, inshallah, tu as réussi, tu as gagné et tu es sauvé. Tu te tais. C'est pour ça qu'il faut apprendre à beaucoup de sœurs et de frères de se taire dans beaucoup de choses qu'ils ne connaissent pas. Il vaut mieux te taire que de donner une fausse image de l'islam. De donner une fausse image de l'islam. Et de dire Allahu alam, naam. De dire Allahu alam, c'est une grande responsabilité de parler dans le din. C'est une grande responsabilité. Quand demain, il y a quelqu'un qui va subir une grande opération dans son cœur, à l'hôpital, ils vont faire venir un grand professeur d'Allemagne. Moi, qui ne connais rien en OSMO, rien en médecine, je vais aller au professeur Hadda, je vais lui dire pousse-moi, moi je vais lui faire l'opération. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont m'emmener en prison, et ils auront raison, ou bien à un hôpital psychiatrique. Ils vont dire celui-là c'est un faux. Alors comment permettre le contraire? Comment permettre à un mécanicien et à un boucher et à un vulcanisateur qui n'a jamais appris le Coran ni connaît les matières scientifiques, qui n'a jamais été un talben ou un alim, comment lui permettre de parler dans des choses qui font rentrer en enfer ou bien font rentrer au paradis? Pourquoi le médecin, vous me permettez pas, par exemple, que je parle à sa place, et vous me permettez, moi, par exemple, qui suis un menuisier, qui n'a rien à voir avec le hymne, vous me permettez que je parle comme ça, je fasse des doros, etc. Est-ce que Ben Laden n'est-il pas Westmo? Il a une licence en Westmo, en agriculture. Qu'est-ce qu'il a à voir avec le hymne pour qu'il vienne dire c'est le moment du djihad? C'est le moment du djihad. Et pourquoi je laisse les grands savants et je suis Ben Laden et Zarqawi Hada? Pourquoi je laisse les grands savants? Les grands savants qui sont des médiateurs entre Allah et nous, ce sont qu'eux qui nous montrent, nous on ne connaît rien. Les grands savants ne savent pas que c'est le moment du djihad? Ou bien comme disent les takfiriens, ils disent ce sont des gens qui travaillent avec le gouvernant. Ce sont des gens qui font la chita au gouvernant. Ils ne disent pas la vérité. Ma'avallah, kazabt, tu es un menteur. Quiconque dit que les ulama ne montraient pas la vérité, ils se taisaient, ce sont des kibabin, ce sont des affakin. Cheikh Ben Baz, alayhi rahmatullah, quand le gouvernant rentrait, quand il rentrait, et il savait que Cheikh Ben Baz était assis, alors que Ben Baz, il ne regardait même pas, le gouvernant tremblait devant lui. Parce qu'il savait que Ben Baz, alayhi rahmatullah, quand il sait quelque chose de haram, il dit haram. Il dit ne faites pas ça, alors, le gouvernant ne fait pas, il a peur de lui. Il a écrit des milliers de lettres en cachette pour le gouvernant, pour lui donner des nasaïhs. Quand on fait des nasaïhs, on n'est pas obligé de dire monter sur le mimbar, la ria, et de dire aux gens je viens de parler au gouvernant ici. Non, c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Tu écris en cachette. Comme lorsque tu fais la nasaïha, tu la fais en cachette. En islam, il n'y a pas, tu montes sur le mimbar et tu dis le gouvernant est un, etc. Sa femme a fait ceci, lui il a fait cela, il a volé de l'argent. Tout ça c'est du takfir. Tout ça c'est des takfiriens qui font cela. Ceux qui écrivent aussi dans les journaux, ceux qui restent dans les cafés, ils parlent du gouvernant. Ils sont pas des takfiriens, ils ont nez'at takfir dans le cœur. Ils sont pas loin des takfiriens. Sunna al-Jama'a font comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Men arada yunsah li sultan, falyakhlu bihi wa yumsik bi yadihi. Falyakhlu bihi wa yumsik bi yadihi. Fa in qabila fa bi ni'mati wa illa faqad addayta ma 'alik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu as quelque chose à dire au gouvernant, tu vas chez lui, tu demandes une audience, tu rentres, tu prends par sa main, tu prends pas par son cou, tu veux l'étrangler, tu prends par sa main pour qu'il sente, quelque chose dans son cœur, il sente la rahma quand deux mains se joignent. Imagine quand quelqu'un te parle, il te prend par la main, il te parle, tu sens quelque chose dans ton cœur. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris le sahabi Jalil dans sa main, avant de sortir de la mosquée, il lui a dit, je vais t'apprendre quelque chose que yani, je n'ai jamais appris yani, à d'autres. Il a pris par la main. Prendre quelqu'un par la main, ça a un grand rôle. C'est pour ça que le prophète alayhi wa sallam a dit, tu rentres chez le gouvernant, tu le prends par la main, vous êtes seul, il n'y a aucune troisième personne qui entend. Et tu lui dis ceci, cela. S'il a accepté, alhamdoulilah, il n'a pas accepté, tu as fait ce que tu devais faire. De toute façon, maintenant, c'est impossible de faire une audience avec les gouvernants, etc. Alors toi, c'est pas ton problème là, c'est le problème des ulama. Ce sont les grands ulama qui peuvent rencontrer hada le gouvernant. Toi, si tu peux parler au alam, tu lui dis ceci, cela, lui il transmet. D'ailleurs, toi tu ne connais pas plus que le alam jusqu'à ce que tu lui apprennes ce qu'il doit dire et ce qu'il ne doit pas dire. Enfin, j'ai dit beaucoup de choses aujourd'hui, je ne sais pas si ça a été compris ou pas. Oum Souleyben a dit, aussi une sœur m'a dit qu'elle n'était pas, qu'il n'était pas permis de parler de din pendant une halqa selon Cheikh Albani. J'ai pas compris, Wallah. Et une sœur m'a dit qu'il n'était pas permis de parler de din pendant une haqiqa. Alors, pardon, j'ai pas compris. Non, j'ai pas compris la question. Elle dit, s'il y a quelqu'un qui peut me la reformuler, j'ai pas compris. Une raqiqa, c'est quoi une raqiqa? J'ai pas compris. C'est quoi une raqiqa, elle dit. Je ne sais pas ce que ça veut dire raqiqa en arabe. Si quelqu'un peut me faire comprendre, qu'il me la comprenne. J'ai pas compris. Raqiqa, raqiqa. Ah, raqiqa. Pas raqiqa, qu'est-ce que ça veut dire avec la question? Aussi, une sœur m'a dit qu'il n'est pas permis de parler de din pendant une aqiqa. J'ai pas compris. Ah, Oum Souleymane, je crois que tu veux dire, Oum Souleymane, une seconde, je crois que tu veux dire que quand par exemple il y a une aqiqa ou là il y a un mariage, etc., on parle pas de din, on fait pas de dars, etc. Est-ce que c'est ce que je veux? Oh, la aqiqa, c'est le repas. Le repas en général, yani quand on mange, on ne doit pas parler de din. C'est ce que tu veux dire? Quand on mange, on ne parle pas de din. Est-ce que c'est ça? Si c'est ça, tu m'écris un. Non, juste. Juste la haqiqa. Dans la haqiqa, on ne doit pas parler de din. C'est ça? Selon Cheikh Al-Albani. Là, je n'ai jamais entendu l'Albani dire cela. Je n'ai jamais entendu dire Cheikh Al-Albani dire cela. Peut-être, quand je dis je n'ai pas entendu, ça ne veut pas dire qu'il ne m'a pas dit. Enfi, l'ilm al-nafsi. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas entendu. Peut-être lui, il l'a dit, peut-être d'autres gens l'ont entendu. Dans son livre sur la Aqiqa. Moi, je ne me rappelle pas d'avoir lu cela quelque part. Je sais que Cheikh Ibn Uthaymin, en revanche, il dit que, alors, Rahmatullah, il dit que ce n'est pas de la sunna, ni de la hikma, ni de la logique. Quand il y a par exemple des gens qui sont venus comme ça pour un mariage ou là une aqiqa ou là, on commence à leur faire un dars. Pourquoi? Ils disent, ils se sont rencontrés ici, ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus, etc. Toi tu vas les arrêter, tu vas faire un dars, et peut-être tu vas parler de l'azab al-qabr. Eux ils sont venus pour être un peu yani, joyeux, etc. Toi maintenant tu vas parler de la tombe, tu vas parler de jahannam, etc. Yani, tu vas les disperser comme yani, c'est pas ça dans la sunna. Si tu étais obligé de parler, au moins parle quelque chose qui a rapport de, par exemple, de pourquoi ils se sont groupés. Parle de la chose, par exemple, on s'est groupé à cause de la haqiqa. La haqiqa en islam, c'est quand une femme, pardon, c'est, si c'est une fille, on égorge un mouton. Si c'est un garçon, deux moutons, de préférence le 7e jour, ou bien le 14e, le 21e, et comme ça. Voilà, là, la rigueur. Mais ce n'est pas une sunna, comme ça, yani, partout, on va commencer par les deux dînes, comme font certains, qu'est-ce qu'ils font? À la tombe. Dès qu'ils se terminent, on enterre le mort, ils commencent à faire le rappel. Cheikh Ibn Uthaymin a dit, da'ouha, maqabir wa laysat manabir. Le maqbar à la tombe, c'est pour le mort, etc., c'est pas pour faire les doros. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé, il a dit, « Is'alou li akhikum tathbit, fa innahu l'an yusuf. »